Bonjour et bienvenue sur le débat comics, c'est le premier de l'année 2020, donc je vais commencer par vous souhaiter la bonne année à tous et à toutes. Bonne année, santé, argent, on peut même parler un peu d'amour également, mais surtout beaucoup de mangas, beaucoup de comics et compagnie. Donc pour cette première émission de l'année 2020, j'ai une table extraordinaire avec mes bras cassés favoris. À ma droite, Nico, alias Whip. Oui, salut tout le monde. À la droite de Nico, j'ai Adrien. Hey, salut tout le monde, bonne année. Et à ma gauche, j'ai notre première invitée de l'année 2020, d'ailleurs même la première invitée du nouveau débat comics. Bonjour à toi, Laura. Et bonjour. Donc, pour cette année, on a décidé d'attaquer l'année en beauté. Il y a Nico qui va nous faire un petit édito sur pourquoi on ne trouve pas de scan de comics en France, alors qu'il y a énormément de séries qui sortent aux États-Unis. En suivant, je vais attaquer Panini Comics, mais d'une manière rarement faite par moi. Et pourtant, j'en ai déjà fait énormément sur Panini Comics. Il va y avoir du sel. Non, il va y avoir du sang. Bon, Panini Comics, Panini Manga, hein, on va vraiment faire toute la gamme. Hein, ah, d'accord. On va pas être jaloux. Hein, parce que bon, faut quand même parler de Demon Slayer, hein, qui est vachement en retard, je trouve, mais on en parle dans quelques minutes. On va enchaîner avec l'interview de Laura, qui va nous présenter son roman qu'elle auto-édite. Et c'est quelque chose qui est quand même assez bien d'en parler. Et on va essayer de faire plus d'initiatives comme ça en 2020. C'est un peu notre bonne résolution de cette année future. On va enchaîner après sur un petit focus sur Star Trek, parce qu'il y a la série Picard qui va sortir. Eh bien oui, j'aime Star Trek. Et oui, je voulais en parler. Voilà, je vais en parler parce que c'est quand même un des premiers univers connectés, non, peut-être bien avant Star Wars. Il me tarde. Une tarte Picard ? Oui, une tarte Picard. Putain, merde, c'est bon. Moi, on en parlera encore une fois quelques minutes. Et puis, on va terminer sur les sorties de l'année 2020 faites par notre ami Adrien, qui va tout nous détailler d'ici, encore une fois, quelques minutes. Allez, ben, c'est parti pour Nico. Alors pour l'édito du jour, en fait, je veux te poser une simple question. Pour ceux qui me connaissent, je suis un énorme fan de comics. Et depuis un peu avant 2020, depuis mon retour au Japon, j'ai recommencé à lire les mangas. Oui, je les ai tous, mais convertis. Alors, c'est, le problème, je suis c'est tellement pas, fier. Le problème, c'est pas toi, Adrien. Le problème, c'est notre vendeur à bien dessiner. Ouais, bah, merci. C'est, non, mais non, tu balances de bonnes idées, mais Aurélien, il est pire que toi, en fait. Non, parce que lui, fait, nous, tend le comics, il te tend le manga pour que tu l'achètes. Tu ne demandes même pas ton avis. Non, mais t'inquiète, nous, on a fait un travail de fond avec Aurélien, tu vois, ouais, pour vous amener vers... Du coup, t'as acheté des droits à Bédessiner pour toucher un peu de ce qu'on achète là-bas. C'était donc ma rubrique. Et donc, tout simplement, la réflexion que je me suis faite, c'est que ben, les mangas, je les ai que la plupart, comme par exemple Demon Slayer, j'ai découvert ça avec l'animé, j'ai lu le manga... Sauf qu'en France, ben bien sûr, les mangas, on n'a pas tout. Non. Si on veut en aller en avance, qu'est-ce qu'on fait? On va lire les scans sur Internet. Et c'est une réflexion qui m'est parue à un moment où j'ai commencé à lire ça, c'est pourquoi il n'y a pas ou quasiment pas de scans comics. Et j'ai essayé de réfléchir un peu par rapport que ce soit au format, que ce soit par rapport au format VO même. Par exemple, les mangas qu'on regarde au Japon, ceux qui marchent bien, ben déjà... sortent chaque semaine ou chaque mois dans les Shonen Jump. Et après, donc, ils sortent, une fois qu'il y a 6-7 chapitres en volume. Des fois, il arrive que, bon, quand c'est vraiment plus auto-édité ou autre, qu'on ait le manga qui sort en direct, qui soit pas dans les Shonen. Côté comics... Et même certains, même, qui arrivent à sortir les tomes en même temps au Japon et en France. Ah oui. Mmh. Oui, oui. Très rare, mais... Berserk. Ouais, c'est étonnant de cette révélation. C'est j'aurais jamais misé sur Berserk. Sinon, c'était un rubrique, Nico. Oui, oui. Et côté comics, en fait, pareil, en VO, chaque mois, ben là c'est plus par mois que par semaine, on a une issue, donc un chapitre qui sort en VO. Et après, au bout de 5-6 chapitres, on a un volume qui sort. Suivant si ça a fonctionné aux États-Unis ou pas. Oui. Aussi, il faut le préciser. Mais ouais, ben, au Japon, c'est un peu pareil. Oui. Si c'est publié et tout. Donc sur les systèmes un peu VO, les Aishu, enfin les Aishu côté VO, c'est un seul chapitre à la fois, alors que au Japon, c'est tous dans un Shonen Jump. Mais il y a à chaque fois, on remarque qu'il y a les chapitres qui sortent à l'unité. Après, je me suis dit, en France, côté manga, on a juste les chapitres qui sortent directement, enfin les volumes. Les tomes, oui. Qui sortent direct en tome. Il n'y a pas Ouais, il n'y en a pas de. En fait, comment en discuter sur la première émission, je crois, il n'y en a pas de Shonen Jump français. Il y avait une tentative. Comparé, en fait, justement, on en revient sur le côté comics où eux, il y a le kiosque français et le kiosque, américain qui existe. Il n'y a pas cette réflexion avec le manga. Alors, le kiosque est mort en France, on va dire, on va être honnête. Oui, mais ça sort toujours. Oui, ça sort toujours, c'est peut-être moins lu, mais ça existe. À 8h50, pour avoir 4 chapitres, honnêtement, qui a envie de se faire enculer par Panini? Alors, ça, c'est... C'est ta partie de tout à l'heure. Ah, pardon. C'est ta partie, Nico. Donc, côté français sur le comics, comme l'a dit Adri, on a les kiosques, qui nous font un peu comme une version shonen. On a plusieurs chapitres de plusieurs comics qui sortent, mais on a donc un mensuel des chapitres de certains comics qui sortent. Et à côté, donc, on a aussi... Au bout d'un moment, les comics qui sortent en format dur et tout ça. Donc là, on remarque que déjà au moins le côté Aishu qu'on avait donc en VO et en France, on a le côté mensuel qui sort aussi, ça on le garde. Je respire un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et alors du coup, je me suis fait la réflexion, pourquoi donc on n'a pas les scans côté comics? Est-ce que c'est justement parce que on a les Aishu et donc on a des kiosques qui sortent avec les Aishu chaque mois? Est-ce que c'est ça ou non? Est-ce que ça provient d'autres choses? Parce que par exemple, je suis fait la réflexion de la VO, du manga en VO, on a très peu de gens qui lisent du japonais en vrai, alors que de l'anglais, beaucoup en lisent. Et même dans le commerce, je remarque que des comics VO, moi j'arrive à en trouver, j'en achète. Alors que sans doute, du manga VO au japonais, je suis pas sûr que ça se vende en France. Non. Et même en regardant par exemple... Même en regardant sur internet, par exemple, dans les ventes, le problème, c'est que la plupart des trucs nous en vendent, c'est des trucs Amazon, eBay, compagnie. De la VO anglais, on trouve, mais du japonais, on trouve pas. Alors, je sais que les Shonen Jump, on peut les trouver en Toulouse. Boutique qui se trouve dans la même rue qu'il y a Gilbert Joseph. Au fond, à gauche, il y a une boutique, je sais plus le nom, qui est toute nouvelle, qui te propose des figurines, qui te propose Akiba Store. Voilà, non mais j'avais plus le nom en tête. Je n'y suis jamais allé d'ailleurs. De temps en temps sur la page Facebook, ils proposent en disant édition limitée. Enfin, on en a pas beaucoup. Les premiers arrivés, premiers servis, on peut les acheter. Ok. Voilà, mais c'est pas tout le temps, mais c'est occasionnellement, ils peuvent, on peut le faire. Ok. J'ai vu que tu pouvais même les commander en fait, les shonen sur internet. Non, vas-y, continue. T'inquiète pas. On n'aurait pas le temps, Nico. T'inquiète pas. Et donc, après, l'autre question que je me suis posée aussi, c'est les scans donc, sur Internet par rapport à chaque pays. Les scans des mangas, on les trouve facilement. Enfin, je ne vais pas regarder les sites de mangas, bien sûr, mais je pense que les scans au Japon, ils se les trouvent facilement. Il n'y a pas de souci. Et chose très bizarre, les scans comics américains en VO, on les trouve super facilement. Si, moi, par exemple, le plus grand et le plus connu, c'est Read Comics Online, et il y a de tout, mais il y a des comics, il y a même les Marvel Comics numéro 1 qui sont sortis, justement, c'est les premiers comics Marvel avec le premier Namor, Captain America, on les trouve dessus, donc pourquoi en France, on les a pas? Parce que de ce que j'ai remarqué sur la plupart des sites de scan, les seuls comics qui sortaient, c'est les comics qui étaient les plus connus pour le grand public, c'était tout simplement les Walking Dead, ou les Preacher avec la sortie, parce que vu que c'est de l'indé, plus de gens se lancent que par rapport au Big Two. Alors, j'y réfléchis. Tu nous as posé cette question depuis un mois quasiment quand on prépare l'émission. Alors, il y a plusieurs raisons pour moi. Déjà, en France, il y a BD franco-belge qui fonctionne énormément. En deuxième position, c'est le manga. On est le deuxième pays où le manga s'exporte le mieux en France. Enfin, le premier pays même qui s'exporte le mieux. Les États-Unis sont derrière nous. Donc, il y a peut-être plus de fans de manga que de comics. Donc, forcément, il y a plus de gens qui vont s'amuser à traduire des mangas parce qu'ils sont fans les couilles à faire du comics. Donc, ça, c'est la première réflexion que je me suis fait. Et la deuxième réflexion, c'est également, tu as nommé Marvel qui appartient à l'Empire Disney. Non, mais Est-ce qu'il y a plus de protection peut-être DC qui appartient à Warner Bros. Mmh. Et les indés n'appartiennent pas à de grosses maisons comme Disney ou la Warner Bros. Donc ils ont un peu plus de facilité, à mon avis, à se faire sortir les choses plus facilement sur, sur Internet que les gros empires. En sachant que pour la diffusion de Mandalorian, ils ont mis une pression un peu folle sur des, certains youtubeurs connus français pour qu'ils ne parlent pas de la série. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Voilà. Il y a de gros youtubeurs, hein, forcément, quelqu'un comme au hasard, Sweeping Comics, ne sera pas touché là-dessus. Mais on parle de youtubeurs qui... Je sais pas de qui tu parles parce que Sweeping Comics n'existe plus. Pardon, donc pour moi. Mais, voilà, il n'est pas du tout au courant. Mais voilà, mais les gros youtubeurs qui ont des milliers d'abonnés ne peuvent pas parler de Mandalorian tant que ça n'est pas sorti en France. Sinon, ça voudra dire qu'ils l'ont téléchargé et que Disney en profiterait pour porter plainte contre eux. Je sais pas, parce que côté ouais, c'est, VO... Ouais, c'est ça, c'est la pression. Quoi. Il y a peut-être plus de pression côté, du coup, comics, enfin, du marché du comics, peut-être. Je sais pas, parce que quand tu regardes en France, les sites de scan manga, j'en connais connu énormément, parce qu'il y en a qui ont subi des pressions, qui ont dû fermer. Mais ouais, ouais. Quand tu regardes, par exemple, moi, je vois aux États-Unis en VO, Read Comics Online, c'est un truc qui est vénéré par tous, et personne n'attaque le truc. Alors qu'ils ont la base de données, ils ont de l'ND, ils ont le Big Two, ils ont tout. Et donc en fait c'est juste le fait que ça arrive pas en France, j'ai du mal à comprendre, parce que même si on regarde des mangas, j'ai regardé des mangas comme ben, Demon Slayer, ben en fait on a la version japonaise, c'est traduit aux États-Unis par des Anglais, ouais. Et nous les Français on traduit la version anglaise pour le faire en VO. Ouais. Donc le fait de traduire un truc en anglais pour le mettre en français, ben pour les comics on pourrait déjà ouais, le faire. Ouais, et puis même en plus de base, la communauté ben, de lecteurs de comics, normalement l'anglais on connaît bien. Et en fait je pense justement c'est un problème de communauté, comme tu l'as dit, le manga est déjà beaucoup plus connu. Et surtout je pense que la communauté nous comics, parce qu'on a croisé pas mal de... C'est une communauté qui est très très vieille, il y en a énormément, ils ont 40-50 ans. Ouais, comme les vieux cons. Rappelle pas les trucs comme ça. Mais voilà, c'est... la plupart sont vieux, ils ont commencé avec les Strange, vraiment les premières parutions de comics. Et je pense que c'est le fait que eux ils sont vraiment sur... Ben, c'est ce format de toujours le papier, alors que nous on est plus jeunes, donc tout ce qui est internet ou autre on maîtrise plus. C'est peut-être la communauté française en soi qui fait ça. Mais du coup c'est vraiment la réflexion que je me faisais, vu que ben, les mangas sont déjà sont traduits d'abord en anglais pour être traduits en français, comment ça se fait que ben, ça n'arrive pas pour les comics? C'est le débat que je voulais ouvrir, si certains un jour ont des réponses, ou veulent s'y mettre, n'hésite ça pas. Peut être un truc le truc. Surtout que techniquement... Il y a une issue qui sort par mois pour du comics, alors que côté manga, tu peux en avoir, t'en as presque chaque semaine, selon les mangas. Donc, oui, oui, bah, chaque semaine, de toute façon, tout ce qui est traduit, c'est sur c'est tous les jumps. En fait. Ouais, ouais. Parce que bon, t'as pas que le Shonen Jump oui, oui, qui oui. sort. T'as les Fate Jump, t'as les Seinen. C'est ça, donc normalement, un comics, t'es censé. T'en as énormément. T'es censé avoir moins de taf si tu fais juste l'actuel. T'as même des. Mais nous, on a pu le voir, des revues, de manga, oui. des revues. Comme des jumps, mais c'est pas le jump. Oui, oui, oui. Ouais, c'est un d'autres format encore pareil, un dé, ouais. D'autres. C'est énorme. Mais du coup, voilà la piste de réflexion que je voulais ouvrir par rapport aux scans qui sont quasiment introuvables côté FR pour du comics, alors que bah, sur du manga, on trouve que ça. Quoi. Voilà. Est-ce que ça viendrait pas aussi, peut-être, du fait que niveau manga, t'as plein de mangas qui sortent au Japon qui sont pas en fait traduits oui, aussi, enfin, qui sont pas édités en France, parce que c'est vrai qu'ils ont une telle source de manga au Japon, ils en ont tellement de oui. que ceux qui aiment ça ils peuvent pas lire ils peuvent pas tout lire, c'est pas édité en fait, tout simplement les maisons d'édition n'achètent pas les droits de certains mangas oui, oui. Alors que par exemple sur du Marvel ou sur du DC ben t'es pas quasiment sûr, mais t'as plus peut-être facilité à être édité en France et en français. Non. Ah ouais. Côté comics, on a énormément de comics qui sont pas... Même moi, ben, j'ai commencé... Les premiers comics VO que j'ai fait, c'était Moon Girl and the Devil Dinosaur, qui a jamais été publié en France, et un one-shot qui est sur... Merde, je sais plus qui... Karnak. Karnak, voilà, qui est génial. Pour moi, c'est un des meilleurs comics que j'ai lu, qui est un one-shot et qui a jamais été publié en France. Et en fait, en France, ils surfent énormément sur les films. Ouais. En ce moment, on ne parle pas de Black Widow, mais tu vas voir d'ici avril tout le nombre de comics sur Black Widow qui va sortir. Ouais. Ils vont tout ressortir, voire même les mini-séries qui sortent actuellement aux États-Unis. Mais ils vont avoir un an de retard, parce qu'il y a certaines séries qui valent le coup. Je crois qu'il y a même une mini-série de 5 chapitres qui a été scénarisée par Sibulski. Pas en personne, je crois. Enfin bref, tout ça va ressortir au moment des films. Si tu veux, en France, les éditeurs de comics surfent sur les films, alors que je pense, l'effet inverse, les éditeurs de manga en France surfent sur les scans qui devraient être le plus lus. Ouais. Pour acheter peut-être les droits ou pas. Ouais, après, et aussi sur les... sur les animés. Sur les parce animés. Que Demon Slayer, par exemple, qui veut parler de Panini Manga, ouais, mais ça, c'est le succès de l'anime. Non, ouais. Même c'est... Enfin... Non, c'est pas qu'un problème de... Non, mais je vais en parler dans quelques minutes. Pour parler, par exemple, Demon Slayer, c'est un truc qui au départ s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit en France, quand oui, c'était sorti, qu'ils ont complètement arrêté, et en fait, avec le succès qu'il y a eu de Demon Slayer, ils ont renommé le truc, ils ont appelé ça Demon Slayer, ils ont tout recommandé, ils ont tout ressorti. En sachant que ils ont encore une fois, c'est non, on va en parler dans 5 minutes. Bah vu que c'est tu veux qu'on passe tout d'après... de suite à Panini. Allez bah ok, on va passer tout de suite à Panini, on s'est assaigné. Bon, bah après ce premier édito de Nico, on va attaquer exceptionnellement sur un second édito, un édito que je veux faire. Je voulais pas le sortir tout de suite maintenant qu'on reprenait le débat comics parce que ça aurait été violent. Morelia, c'est bon, Geoffrey revient sur le comics game, il va taper sur Panini comme il fait d'habitude. Mais là on est le 10 janvier, 11 janvier au moment où on est en train de faire ce podcast. L'émission sortira le lendemain, donc le 12 janvier. Et Panini a décidé naturellement de nous rebooter tous ces mensuels, tous ces kiosques, comme d'habitude, avec une petite augmentation. Avant, en 2019, on était à 7,50€. Maintenant, on est passé sur du 8,90€ ou du 8,40€. Je ne me souviens plus. Enfin, bref, c'est un sacré viol en puissance. Je suis en train de chercher les titres. Les chiffres, 8,90€, on passe. C'est une sacrée augmentation quand même. Alors j'ai fait le calcul parce que je suis curieux quand même. L'inflation en France en 2019 était de 1,1%. Donc c'est-à-dire le coût de la vie a augmenté de 1,1%. Et donc Panini a décidé de faire avec l'inflation, ce qui est normal. N'importe quelle société fait avec l'inflation. Airbus, même Honda où je travaille, on a augmenté nos tarifs de 2%. Mais Panini s'est dit que bon, 1,1%, c'est pas assez. On va pas l'augmenter de 5%, on va pas l'augmenter de 10%. Pas de 15%, non, 18% l'augmentation, c'est juste merveilleux. Et on nous prend tout simplement pour des cons. Alors, je m'étais remis au kiosque en me disant, bon, ils ont fait un effort, c'est des jolies jaquettes et tout, c'est des couvertures en dur, 7,50€, tu le payes, mais ça reste intéressant. Et au bout d'un an, j'ai même pas terminé, je voulais à l'origine terminer, mais je me suis même pas arrêté, j'ai pas tout acheté de 2019. Je me suis arrêté au mois de novembre. Je me suis dit, non, c'est bon, ça suffit, on va arrêter les merdes, on va passer à la VO parce que ça coûte moins cher. Bon, voilà, ça c'est. Non, pas les issues, les TPB coûtent moins cher, un peu moins cher que ceux de Panini. C'est quasiment le même type de tarif et tu les as plus rapidement. Oui et non, ça dépend d'où tu les prends. Oui, ça dépend où tu les prends. Normalement, les libraires français, vu que tu as l'exportation qui est comptée, tu le payes aussi cher ou un peu plus cher. Mais après, si tu prends sur Amazon, par exemple, que je ne vous conseille pas, il faut faire marcher les petites librairies, mais c'est moins cher et c'est plus, tu l'as directement, c'est sûr. Voilà, donc il y a tout ça qui fait que voilà. Panini, je vais taper dur et fort sur Panini, mais d'abord, je tiens quand même à rappeler que Panini était bien à une époque, en 2003, quand ils sont arrivés à la place de Marvel France. Oui, Adrien, ils sont arrivés en 2003, hein, ils ont su faire énormément d'efforts, ils ont fait beaucoup, beaucoup de bien aux comics français parce qu'ils ont décidé de traduire énormément de séries. Les Daredevil, tout ça, c'était pas forcément, c'était traduit chez Marvel France, mais c'était pas forcément très très grand, voire même chez Semic. Mais Panini a fait un réel effort au moment de leur arrivée en 2003 où ils ont beaucoup de traduits. Ils avaient pris beaucoup de licences parce qu'ils avaient du pas Vertigo. Mal de licences, ils avaient du Vertigo, mais ça c'est arrivé plus tard en 2005 quand ils avaient racheté les droits de DC Comics. Oui, j'ai bossé le sujet. J'ai bossé le sujet en relisant le vieil article qu'on avait fait sur lecteur de comics. Donc j'avais fait le travail un jour, monsieur. Et donc, voilà, ils avaient même réduit les publications entre la France et les US à moins d'un an de décalage, ce qui était quand même assez énorme pour l'époque. Maintenant, ils sont à 6 mois de décalage à peu près. Actuellement, même des fois, on peut avoir des trucs sur du 2 mois, 3 mois. Hein. C'est arrivé que j'avais le TPB, le mois d'après, ça sortait en France. Oui, oui, oui. Mais surtout sur du TPB type Miss Marvel qui a énormément fonctionné en France. Donc voilà. Mais ça, c'était l'excellente époque de Panini. Honnêtement, là, Panini... Miss Marvel, c'est sorti cette année. Non, mais Miss Marvel, ils avaient commencé Miss Marvel... Moi, je te parle de Kamala Khan. Oui, Kamala Khan. Mais Kamala Khan, je te parle de la première version Kamala Khan. Il a sorti rapidement aussi. Ils l'ont sorti avec un peu de retard. Et puis, quand ils ont vu que Kamala Khan faisait un certain succès, et ben, ça avait gagné également le prix d'Angoulême, je te rappelle, ils avaient décidé d'accélérer les publications de Kamala Khan, ce qui fait qu'ils avaient un mois de décalage entre le TPB américain et le TPB français. Okay. Mais ça, voilà, ça c'était pendant les heures un peu troubles de chez Panini. Je tiens quand même encore une fois à parler du bon temps Panini, les petits oiseaux, tout ça, où DC Comics les a mis plus back terre parce qu'ils ont eu un énorme problème avec l'époque qui était Infinite Crisis, qui n'avait pas du tout fonctionné en France parce que c'était pas compris, parce que le lecteur français n'est pas forcément habitué au DC. DC Comics reste quand même quelque chose c'est un univers que j'aime bien mais qui est toujours particulier parce que ça se passe pas dans des villes réelles, contrairement à c'est vrai que le Wakanda et la Latverie mais tout à fait mon cher Thierry, mais tout à fait, oui, non, mais je te rappelle que les États-Unis avaient signé un contrat avec le Wakanda, c'est vrai, d'accord, c'était parmi leurs alliés, ils n'ont jamais reçu le vibranium, je pense que c'est pour ça qu'ils ont coupé le contrat. C'est ça hein, c'est vrai hein, Trump a fait signer ce genre de conneries, enfin non, c'était... Mais il y pensait, mais... Il y pensait, ouais, enfin bref. Et l'information est vraie, hein, ils ont vraiment voulu signer un contrat avec le Wakanda. Hein. C'est vérifiable. Non, mais tu peux vérifier sur Internet, ils ont vraiment voulu, les Américains. Ils sont tellement bons en géographie que pour eux, Wakanda, ils ont vu ça sur Marvel, ils ont dit ça existe. Donc, voilà. Ça, c'est bon, c'est une ville. Ça, c'est un pays, monsieur le Wakanda. Invisible à tous parce qu'ils ont un bouclier, et puis bon, ils sortent pas, tu vois. Ils sont dans une montagne. Ils sont dans une montagne. C'est les nains, en fait. C'est ça. Ah ouais, on part très loin là. Mais bon, Infinite Crisis et donc DC Comics avec Metropolis, Gotham, ça parle moins sur le lectorat français qui arrive du mal à, un peu plus de mal à s'identifier que New York avec Spider-Man, les Avengers, compagnie. C'est là où je voulais surtout en venir, Nico. Et ça a tellement mal tourné qu'ils ont perdu les droits en 2012 par Dargo et qui ont créé Urban, tout simplement, qui est une petite compagnie de Dargo, qui est un des géants de la BD franco-belge en Europe. Et en 2012 également, donc après avoir perdu les droits de DC, ils ont sorti l'événement X-Men versus Avengers. Une réussite totale, honnêtement. Deux équipes de super-héros qui se fracassent la gueule. Ils peuvent pas se couper, c'est de la vente gratuite. Je l'avais acheté, j'étais heureuse, et je me suis dit, ça, honnêtement, je l'attendais autant que Civil War. Mais le problème, parce que bon, il y a toujours un mais, c'est qu'ils se sont gourés sur le deuxième ou troisième volume, enfin le troisième issue, au niveau de l'imprimerie. Et donc, vu qu'ils se sont loupés, ils n'ont pas voulu refaire une réimpression, non, ça coûte trop cher. Donc du coup, ils ont dit, écoutez, si vous arrivez à le trouver, tant mieux, si vous n'y arrivez pas, tant pis. Voilà, ça a été là pour moi la première grosse décadence de Panini où honnêtement on commençait à cracher sur le visage des fans qui attendaient un événement, des fans qui achetaient le kiosque, parce qu'à l'époque c'était 5,40€ le kiosque, c'était pas cher, tout le monde pouvait l'acheter sans aucun problème. Puis en plus l'événement est sympa. Et l'événement est sympa. Donc honnêtement c'était un événement qu'on attendait tous, qui devait être la consécration pour Hop Summers et compagnie, enfin je l'ai racheté plus tard en Marvel Deluxe, c'est un événement que je peux relire de temps en temps comme Civil War, comme Old Man Logan, avec tellement un vrai plaisir que voilà. Mais non, Panini a décidé de faire de la merde, c'est la première fois qu'ils font de la merde comme ça. Tu dis bon, ben ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Panini, c'est quoi? C'est juste un des plus grands éditeurs de comics en Europe, parce que bon, t'as Panini aux États-Unis, enfin Espagne, Italie, Allemagne et Angleterre, je crois également où ils sont. Je crois, je n'en suis pas sûr, je ne mettrai pas ma main coupée. Mais en tout cas, l'Allemagne, Italie, Espagne. Pourquoi tu veux qu'ils sont en Angleterre Parce que tu n'as pas Marvel en Angleterre. Ah ouais? Non, tu l'as plus. Ah. Donc voilà. Mais si tu vas en Allemagne, c'est du Panini. C'est du Panini Comics, mais, mais voilà, mais bon, ils se sont chiés. Tu dis, bon, ça peut arriver. Ouais, se louper sur un événement majeur de Marvel, que, pff, ça va, ça arrive. Bon. Hein. C'est voilà. Pas si mal. Et là. Et là, Panini commence à chuter. Et puis, bon, il y a les vêtements, Secret Wars qui sort, que Nico et moi, on a tout pris. C'était... J'ai jamais fini. Ouais, mais c'était un bon event au début, honnêtement. Voilà, tu te dis, bon, Secret Wars, c'est pas si mal. Voilà, c'est, il y a mieux, mais depuis la merde que nous avait, depuis quelques années, Marvel nous avait sorti beaucoup de merde, et Secret Wars a fait quelque chose de pas mal. Et à la fin de Secret Wars, ils lancent donc le. C'était quoi, le Fresh Start ou, enfin, le... Oui, en France, oui. Non, c'était pas non, le Fresh c'était Start. Pas... c'était, enfin bref, un des noms pourris à la con que Marvel avait décidé, que Panini a repris, en disant, ben voilà, on va ressortir du kiosque. Bon, on va augmenter un peu les tarifs, parce que bon, on commence à être un peu. On commence c'est, à faire manquer d'argent. Legacy. Legacy, voilà. Et c'est les Legacy qu'ils avaient commencé à changer de format, à passer sur des soft covers. Donc ils ont dit, bon, ben, on va passer sur des soft covers, donc ça coûte plus cher, on va augmenter les tarifs de. C'était plus des réels kiosques, du coup, et c'est donc plus disponible dans les marchands de journaux. Dans les marchands de journaux, et uniquement en librairie. Et ils avaient augmenté le tarif déjà de 1,10€ minimum. Donc tu dis, bon, allez, ils augmentent le tarif, pourquoi pas. Et puis là, ils ont dit, plus de reboot. Même un peu à la Marvel, on fait plus de reboot, on va continuer comme ça. Sauf qu'un an plus tard, ils ont annoncé le premier reboot. Donc là, Panini a... Ouais. Ils ont rebooté les kiosques et les numéros. D'accord, ok. Ouais, si tu veux, Panini a comme réflexe tous les ans. Nous, on a des bonnes résolutions. Nous, on se murge la gueule. Non, Panini, eux... C'est bonne résolution. Panini, eux, ils se disent, comme bonne résolution, nous, on va rebooter parce que les numéros 1, ça vend énormément. Et donc, ils ont rebooté en 2019 pour nous sortir le Fresh Start. Et là, pareil, on va garder compagnie, ça va bien se passer. On passe une petite augmentation, mais légère, de 40 ou 50 centimes. Mais là, naïvement, je me suis dit, bon, ben, ça va être l'occasion, Fresh Start, je vais commencer là, je vais prendre les soft covers. Et puis non, ils nous ont annoncé en août dernier qu'ils allaient rebooter en janvier 2020 avec une augmentation de tarif, mais encore moins de pages. Parce que comme ça, on prend vraiment les gens pour des cons. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Hein. Qui va acheter un magazine avec moins de pages et plus cher, d'1,40€ plus cher. Et surtout avec des magazines dont certaines n'ont aucun avenir. Parce que moi, quand je regarde la série Thanos, ils te publient Gardien de la Galaxie, t'as que 12 issues qui sont déjà terminées de Norman Cates, ils te mettent Black Order, qui est un one-shot, donc t'as que 6 chapitres. T'as le Thanos de Tiny World, je crois que c'est en one shot, donc pareil, t'as 6 ou peut-être 12 chapitres. Mais Nico, mais c'est pour voir mieux rebooter en 2021, mais t'es con, tu comprends pas le principe de Panini. Ils vont rebooter en 2021, et puis en 2021, ils nous ont fait une augmentation de 18%, là ils vont peut-être se dire, tiens, on va faire une augmentation de 25%, il y a toujours des pigeons qui achètent. Et donc ça, on va dire, je critique beaucoup les kiosques, mais j'ai qu'à arrêter. Oui, d'accord, mais j'ai arrêté les kiosques, maintenant je lis de la VO. Mais par contre, ça ne s'arrête pas que là. Parce que Panini est grand, a fait des choses énormément bien. Certaines éditions de Panini, comme les Marvel Events, sont très intéressantes. Il y a également les Punisher en run de Steve Dillon, ou le Spider-Man de Mark Farlane, qui est très intéressant, qui est gros. On le paye un peu cher, mais on a tout le run de l'artiste. Oui, et puis en plus, là, c'est vraiment sur du format dur. C'est du format dur, bien travaillé. Tu dis ça, si tu le payes, mais moi, je m'en fous, c'est du beau comics. Je le paye. Je me fous du reste. Et maintenant, parce que le problème, c'est que Panini aime bien faire de la petite impression. Tu vois, je veux dire, je vais sortir un chiffre au hasard, 1000 exemplaires de ça, et puis voilà. Mais si ça se vend, les 1000 exemplaires, ils se disent pas, tiens, on va rééditer. Mais non, mais pourquoi faire ? Mais non, mais ça serait trop bien. Non, on va faire jouer quoi ? La spéculation. Et comme ça, on se retrouve sur certains comics hyper rares, que normalement à la base tu peux les acheter 30€, on va dire, parce que c'est quand même un run d'un artiste, comme le premier de Captain America fait par Brubaker, qui était extraordinaire. Ils ont mis 2 ans pour le rééditer parce que les fans commençaient à gueuler, parce que sur Price Minister tu le trouvais à 80-90€. C'est ça le problème de Panini. Et on peut parler de Panini Comics, mais on peut également parler de Panini Manga, parce que Demon Slayer, quand même, ça on vient, en parle, mais bon. On en parle assez. C'est pas un succès non, fou. Non, regarde, ils sont passés quoi? Ils ont juste gagné One Piece au niveau des ventes au Japon. Ça reste d'être la seule année où One Piece s'est fait dépasser sur les ventes. Ouais, peut-être. Mais vrai. On s'en fout. Mais quand même, s'ils dépassent One Piece qui est numéro 1, ça veut dire qu'ils sont numéro 2. Ouais, mais c'est pas si mal. Alors, autant je les déteste, mais autant en France, si on part sur ça, je l'ai pas encore commencé, mais on a un gros retard, c'est Kingdom. Et c'est pas du Panini. Non, mais Kingdom, rien à voir. Alors, le truc de Kingdom, c'est que en fait, il n'y avait pas de mission. Les maisons d'édition des mangas, ils avaient déjà des grosses séries en fait en cours. Et du coup, Kingdom, ben, c'est simple, c'est plus de 50 tomes au Japon. Et heureusement que Meian Edition, ils ont fait vraiment le. Mais ils ont tout mis dessus. Hein. Ils ont mis leur maison d'édition. Mmh. Un jeu et tout sur ce coup de. Mais Meian, là où ils sont été intelligents, c'est qu'ils... Parce que du coup, maintenant, ils sortent du manga, du. Oui. plein de bons mangas. Mais Meian, cool. Là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont fait un service d'abonnement où si tu t'abonnes, tu payes, on va dire, 20€ par mois, tu reçois 4 Kingdoms par mois. Oui. Voilà, faut pas l'oublier. 4 Kingdoms, ça fait quand même pas mal de mangas et ça te permet de rattraper le retard extraordinairement vite. Ouais, parce qu'en plus ils ont déjà sorti des coffrets de Kingdoms du coup justement pour. Pour Noël. Pour ouais, mais même je crois un peu avant pour justement rattraper déjà tout ce qui était sorti donc c'est pas mal quoi. Non Kingdom on peut parler mais il rattrape. Mais le problème. Mais du coup mais le truc ouais c'est ça c'est que Demon Slayer c'était pas une grosse série. Oui c'est pas une grosse série. À l'heure d'aujourd'hui il y en a je crois au Japon ils doivent tourner 17 ou 18 tomes. Bon regarde j'en suis 16 le 17 oui, j'ai pas le 17 lâcher. il était sorti mais je pense que peut-être 18, maintenant t'as 18 maintenant. Ouais peut-être que 18 donc pas dû sortir, là on est quota 6 oui mais d'accord, mais à un moment, c'est que, ouais, ils ont mis un moment avant de l'éditer. Ah ben, ils ont attendu que la série se finisse. Donc, et le problème, c'est qu'en plus, ils ont sorti, je crois, c'était à l'époque les rôdeurs de la nuit quand c'est sorti. Ils ont sorti, je crois, 2 tomes, quoi. Ils ont même pas attendu un petit peu. 4 tomes à Rodder de la nuit. Franchement, parce que c'est ridicule. C'est ridicule, on est d'accord. Sur un manga qui est donc depuis le temps, qui a à peine 17 tomes, enfin, je pense qu'ils auraient pu continuer l'édition, même comme tu dis, pas en sortir beaucoup. Mais je pense qu'ils auraient pu. Un tous les 3 mois, tu vois. Je pense qu'ils auraient pu continuer. Ou un tous les 5 mois, un peu à la FXDMA avec Tonkam. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont. Mais ils ont complètement arrêté, ils ont décidé, tiens, ça fonctionne, on va s'y remettre. Et puis, la réédition, on l'a entendu 40 ans. La spéculation. Et tu sais qu'en plus, le pire, c'est que quand ils ont ressorti donc, la nouvelle édition donc, des Demon Slayer, le tome 1 et 2, il s'est tellement bien vendu qu'en fait, ils ont mis le tome 2 et 3 étaient déjà sortis. Tu pouvais plus trouver de tome 1 et 2 parce qu'ils étaient en rupture de stock. Ils ont dû attendre une réédition pour pouvoir les ressortir. Alors qu'ils n'ont pas pu. Ils ne se sont pas dit. Ah ça marche de ouf, tout le monde est en train de les chercher, on va mettre le paquet, on va mettre plein, enfin on va en éditer plein quoi. Non les mecs non. Oh non mais on n'est pas sûr encore. On ne sait pas, bah, c'est quoi, c'est une petite série, ça marche pas vraiment. Tu vois que dès le début, dès la sortie, tu vois que tu réédites tout, tu enclenches direct la réédition. Là non, ils ont attendu que le tome 2 et 3 ils sortent avant de refaire le. Ressortir le 1 et 2 quoi donc. Donc se retrouver dans nos librairies à trouver les 2 et 3, mais 1 et 2, non, introuvable. Mais c'est pareil pour City Hunter. Bon, City Hunter, c'est un manga qui publie, qui est beaucoup plus vieux. Il n'y a plus de nouveau tome qui sort. Ils n'ont même pas été capables de racheter les droits de City Hunter Rebirth, qui est parti chez Kaiyun. Faut également le savoir, hein, quitte à être honteux. C'est comme si Pika n'avait pas acheté les spin-offs de Fairy Tail. Bof, c'est pas assez. On lâche une de nos meilleures séries, c'est pas grave. C'est pas grave. Bokayoun, c'est pas grave, on leur fait cadeau, les pauvres. Ils ont pas beaucoup de séries. Faut bien qu'ils gagnent un peu d'argent dans leur vie. On partage, c'est pas grave. Non, mais voilà. Alors, honnêtement, Panini Comics, Panini Manga, c'est de la grosse blague. Faut dire ce qui est. C'est vraiment ma conclusion. Tout ce que j'espère, c'est peut-être que l'organigramme change totalement chez Panini. Qui se mettent un peu du fond. Faut arrêter de laisser les rênes aux stagiaires, là. Ouais, c'est ça, ouais. Recruter des gens, recruter des passionnés, faites quelque chose d'intelligent, et peut-être J'ai bien dit peut-être qu'en 2021, je reviendrai avec plaisir. Mais ça, je pense pas. Mais vous avez tellement fait de la merde depuis 2012 qu'à un moment, ben, je sais pas, peut-être mettez les clés sous la porte, laissez les droits de... Non, attends qu'il finisse Demon Slayer maintenant quand même. Mais pourquoi faire ? Il faut l'arrêter. Bon. Non. On a quoi ? On a 10 tomes de retard. C'est pas si mal. On va attendre, on en a au moins 20. On va en ressortir le tome 7 comme ça. Non, mais voilà, mais arrêtez tout. Arrêtez, changez... Continuez à vendre des stickers, laissez les mangas et laissez les comics aux professionnels. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Mais sur ce, je souhaite une bonne année à toute l'équipe de Panini quand même. Et je vais, on va pouvoir passer sur l'interview. Bon, après ces deux premières parties d'émission un peu chaudes, on va... Pourquoi la mienne elle est chaude ? T'es calme. Non, parce qu'on a beaucoup digressé, Nico. Oui. On va prendre un moment de calme, on va souffler à mon cou. Et on va parler, on va faire l'interview de Laura sur son roman qu'elle est en train d'écrire et auto-publier. Bon, on va faire simple, hein, comme la plupart de mes invités. Sur la première question, c'est présente-toi, s'il te plaît. Et bien, du coup, moi c'est Laura. Alors, je suis étudiante. Et ça fait 6 ans que j'écris ce premier tome. Donc oui, ça fait 6 ans, ça fait un petit moment. À savoir que j'avais écrit une première version qui ne me plaisait pas. Donc j'ai tout déchiré, sur un coup de folie, et j'ai tout recommencé. Donc aujourd'hui, ça y est, j'ai bientôt sorti. Donc voilà, ça sera une trilogie. Alors, 6 ans que tu travailles sur ton roman... T'es vraiment déterminé, alors mais pourquoi écrire, toi, jeune étudiante, pourquoi tu n'es pas au bar en train de boire tous les jeux de soir à ta famille ? Non mais voilà, posons la question. Posons-nous la question. S'il faut, je bois le soir, vous savez. Bon aussi, comme les bons auteurs américains ont oublié. De plutôt une bière, mais... non, je suis une étudiante normale, mais voilà, ma passion c'est écrire. Et ça me permet de me détendre, j'ai une imagination débordante et j'adore ça. Donc c'est parti d'un rêve et maintenant mon but c'est de le sortir. Et alors tu as décidé de l'autopublication, tu es passé par la plateforme Ulule que tout le monde a pu connaître, grosse partie grâce à nous qui a fait un succès de folie, il faut dire ce qu'il est. Et d'autres éditeurs comme... Bliss passe beaucoup par la plateforme ou comme d'autres éditeurs comme Snorgle également qui passent par l'édition. Pourquoi Ulule et est-ce que ça fonctionne bien ? Alors Ulule, oui, ça fonctionne bien et puis surtout c'est quand même une cagnotte assez connue maintenant, Ulule, qui est aussi sécurisée, qui fait de très gros projets. Beaucoup de jeunes auteurs avec qui je discute sont passés par Ulule justement. Donc ça a été un choix. J'avais comparé sur plusieurs autres cagnottes mais Ulule quand même, c'est diversifié, on va dire. Voilà, c'est pas que du bénévolat ou voilà. Donc, c'est un choix. Et j'espère que ça va marcher. Donc là, je suis à 60% sur 100%. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une somme qui n'est pas négligeable. Donc, c'est 2 500 €. Mais savoir que s'auto-éditer, ça coûte très cher de nos jours. Donc, il faut quand même imprimer le livre, payer l'illustrateur, payer la correction, la mise en page. C'est des très, très, très grosses sommes. Donc, ça passe très vite. Voilà. Et alors, t'écris, t'es passionné, je vais le dire, hein, parce qu'on a lu tous les trois, premiers chapitres, tu fais de la dark fantasy, quelles sont tes inspirations ? Parce que bon, en France, on n'a pas forcément énormément de dark fantasy qui sort, peut-être plus en manga avec... Berserk ! Merci. Non mais j'attendais la perle, je me suis dit, va-t-il le faire ? Mais oui, il l'a fait. C'est vrai que moi, à part Berserk, j'ai plus l'habitude de trouver du mad fan, que de la dark fantasy. Alors, quelles sont tes inspirations ? Alors, le premier, c'est Raymond Hefeste. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. C'est un auteur qui me semble américain, si je ne me trompe pas, qui est un des meilleurs au monde de fantasy. Qui a écrit Le Magicien. Il a écrit vraiment des gros. C'est pas le premier, parce que bon, il y a George Martin qui a écrit Game of Thrones, qui est aussi un modèle, un très grand modèle pour moi. Mais voilà, c'est Raymond Hefeste. Après, il y a aussi beaucoup de mangas qui m'ont inspiré, à savoir Uwe Blatt, de Kiyun, qui est vraiment de la dark fantasy pure et dure, et c'est un univers qui m'a toujours plu, qui j'ai trouvé était trop mis de côté en France, il faut l'avouer. Et donc voilà, je me suis inspirée de toutes ces personnes, on va dire, de ces histoires, pour créer ce roman, cette histoire qui m'appartient. D'accord. Et donc, comme George R. R. Martin, tu vas faire tuer un personnage tous les trois chapitres? Non. Excusez-moi, j'en ai lu trois, il y a déjà deux personnages de mort, je crois. Alors, c'est de la Dark Fantasy, c'est normal. Voilà, c'est pas il y a un quota à respecter. Il y a un quota. Alors, parlons sérieusement, au tout début, donc, dès qu'on ouvre les premières pages, on sent le côté médiéval, asiatique, avec les maisons bambou et le reste, et puis au bout de entouré de forêts, l'honneur, tout ça, on le sent, on se croit, enfin, on est rôliste et je me sentais presque dans l'univers des légendes des cinq anneaux. Bah oui, bah oui, bah oui, c'est la base des jeux de rôle. Et au bout de c'est quatre... Bon, je peux le cocher, il a dit pendant la podcast. Ouais, ouais, ça fait partie de mon bingo. Et au bout de quatre paragraphes, j'ai l'impression de me retrouver dans du Witcher ou dans du Game of Thrones. Ah mais c'est pourquoi tout à fait ça. C'est voulu. J'ai voulu manger... mélanger... Ça va être compliqué. Mélanger ces deux univers, en fait, oriental et occidental, pour réunir tout dans un même royaume. Et je trouve ça un peu original, en fait. Voilà, il y aura des personnages plutôt style japonais, d'autres beaucoup plus anglais ou, on va dire, européens généralisés. Et c'est voulu, c'est pour éviter d'être trop fixé sur une période ou un monde. Et là, c'est vraiment ouvert à tout. Donc, il y aura de tout. Voilà, il y aura... des pays arabes, enfin style pays arabe, il y aura style coréen, japonais, anglais, français. Ça va être très très diversifié au niveau des personnages, au niveau des noms des villes et des habitations, des styles vestimentaires aussi, qui vont être très diversifiés. D'accord. Ça va être intéressant justement de voir un peu la confrontation des, ouais, des styles, du coup un personnage par exemple asiatique très honorable via... un européen qui a pas du tout les mêmes valeurs. C'est ça. Et dans un monde Dark Fantasy en plus, ça peut être vite juste tu le vois rapidement chapitre 3 quand t'as Ortova qui affronte le fantôme. Ouais. J'ai lu. Oh justement Ortova, c'est écrit dans les lignes, lui qui a une armure avec l'épée, ouais, et tu vois en face qui elle n'a quasiment pas d'armure pour être agile, une hallebarde, et tu vois les deux confrontations pour deux styles de combat carrément opposés. Tout à fait ça en fait, voilà, déjà on le voit juste au niveau des combats et au niveau des armures, ça n'a strictement rien à voir. Alors j'ai essayé de respecter, j'ai fait des recherches sur internet, c'est normal, les armes utilisées, voilà, c'est vraiment voulu. Bon les gars, est-ce que vous avez des questions pour notre invité? Vu que t'as niqué la moitié des questions déjà que j'avais. D'accord, c'est parce que je fais bien mon travail comme toi Nico. Alors je sais pas si on peut trop parler par rapport au contenu pour poser des questions, essayer de comprendre ou... Mais c'est toujours il hein, y a un des gros trucs quand même qu'il y a alors le but du jeu c'est quand même qu'elle puisse arriver à son projet Ulule, donc tu peux en dire trop mais pas tu peux en dire si un peu mais pas trop mais... voilà. Bon, pour donner envie mais, en déjà... fait hein. Oui vas-y. non mais ouais, le speech du coup de l'histoire parce que du coup on l'a pas forcément, alors, nous on a lu du coup les premiers chapitres mais pour les auditeurs ils ont pas. Tu peux nous dire un peu du coup de quoi va parler l'histoire, un petit peu le thème de l'histoire, c'est comme oui, le synopsis. Un synopsis, voilà. En gros, globalement, c'est une femme donc, qui, malheureusement, son fiancé a été tué. Et son but, c'est de se venger. Donc, elle veut se venger sur quatre personnes. Le problème, c'est qu'elle vit dans un monde où il y a des créatures, donc, que j'ai nommées des créatures des ténèbres, plus connues en japonais sous le nom des yokai, du coup. Mm-hmm. Il y aura les deux versions, c'est voulu. Donc toujours occidentaux, oriental, c'est fait exprès. Et malheureusement, elle est bloquée entre venger son fiancé et sauver le monde de ce créature. Voilà, mais vu qu'elle est un assassin elle aussi, elle est recherchée donc, pour assassinat et c'est une aventure, en gros, un peu une course contre la montre. Il y a plusieurs combats, plusieurs histoires réunies autour de ça. D'accord. C'est bien, déjà t'as répondu parce que j'allais te dire il y a une double intrigue entre les créatures et justement fait le fantôme. T'as oui, déjà répondu qu'il y avait une double intrigue, c'est voulu. Voilà. Ok, mais ça je. Alors, une grande question parce que c'est un des grands mystères quand on lit les premiers chapitres aussi, c'est Maître Griff. Tout à fait, qui... Maître Griff. qui du coup ont été surpuissants et ont tous quasiment disparu tout ce qu'on apprend dès le départ. Ouais. D'où te vient cette inspiration de mettre le livre ? C'est assez particulier comme. Alors, on me pose souvent la question, mais c'est un rêve en fait. J'ai rêvé de ça. J'ai rêvé du mot glyphe. Alors, ça existe un glyphe, c'est une écriture. Ouais. Voilà, tout à fait. Moi, c'est complètement différent. Il faut savoir que mettre glyphe, c'est. Voilà, donc ils ont des pouvoirs. C'est, mais ils sont très liés à ces animaux, justement. Voilà. Une spiritualité, c'est... Oui, enfin. Un peu. Un peu, ouais. Voilà. C'est, ça reste quand même. De la fantaisie douce. Voilà, il n'y aura pas de boule de feu, pas de boule de glace. J'aime pas ce genre de fantaisie de magie. C'est trop, voilà, moi je suis plus dans le combat corps à corps comme vous avez pu le voir dès le début, ça enchaîne direct. Mais là c'est un rêve, j'ai rêvé en fait du pouvoir du maître glyphe. Je l'ai noté et j'ai fait, je peux faire quelque chose avec. Tout simplement. Et bah, vous avez d'autres questions autour du bouquin ? Moi j'ai une petite question. Mais vas-y, c'est moi qui suis quelqu'un c'est ton moment, de... Nico. Vu que moi j'essaie d'écrire un peu et que toi voilà tu y arrives. Quand t'as créé ton univers, avant d'écrire, t'as vraiment développé tout ton univers, tout créé, ou t'as fait au feeling, t'avais déjà ton site de base et t'as avancé petit à petit sur j'ai le... J'ai tout créé. Alors, c'est hyper important, ce qu'il faut savoir que j'ai fait les deux. Au début, j'ai fait, oh super, je vais écrire le premier chapitre. Ça a rendu, c'était clairement de la merde, il faut avouer. Je me suis posée et j'ai tout créé. Donc, j'ai fait les personnages, l'univers, créé le nom du royaume, des villes, les définitions, donc qu'est-ce qu'on va mettre glyphe, voilà. J'ai vraiment les spécificités, cette fleur par exemple, parce qu'elle est magique, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai tout posé, j'ai d'énormes dossiers, voilà, comme ça, c'est très gros. Et au fur et à mesure, une fois que tout était calé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé les résumés de tous mes chapitres. Donc tout ce que j'allais dire dans chaque chapitre. À partir de là, j'ai commencé à écrire et à rédiger en meublant le vide. Et ça prend énormément de temps, c'est pour ça que ça prend 6 ans. Parce que moi, les premières années, j'avais fait, ça ne m'a pas plu, j'ai dû refaire. Et ensuite, je me suis posée, j'ai créé toute cette trame. Et une fois que tout était bon, bah, je suis partie. Et aujourd'hui, j'en suis ici. Oui. Ouais, c'est un gros boulot. Hein. C'est énorme. Ouais. Ah, mais je posais la question parce que moi, déjà, juste pour le petit truc que je fais, je galère. Mais j'imagine que c'est pour ça que ça prend 6 ans, le temps de tout créer, tout poser. De... Ça peut penser, moi, ça a pris 6 ans. Oui, là, ça peut prendre moins longtemps. Voilà, parce que moi, voilà, à l'époque, j'ai commencé, j'étais au lycée. Donc oui, en plus, il faut prendre le temps, trouver le temps d'écrire. Voilà, jeune, alors, t'as commencé à... au lycée, t'avais quel âge quand t'as commencé J'avais 16 ans, ouais, par là. Ouais, d'accord. Franchement, ouais, c'est bien d'avoir pu se dire jeune, en fait, bah, je vais écrire et je vais faire mon histoire, en fait. C'est après, voilà, j'ai eu, faut le dire, il y a eu des amis, il y a eu des inspirations, il faut trouver aussi les noms des personnages. Mine de rien, c'est hyper important que ce soit logique. Et, au fur des années, ça se fait comme ça, quoi. On crée les personnalités, et voilà. Donc là, le premier tome est terminé, rédigé, corrigé. Pas corrigé, il faut que j'attende la fin de la cagnotte finale pour pouvoir payer la correction. Okay, on va dire écrit, posé, voilà. Tout ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, on va dire que ça fonctionne. Est-ce que t'as... Non, mais on n'est pas sûr que la cagnotte... Voilà, il va rester 20 jours au moment, à peu près une vingtaine de jours aujourd'hui. Donc faut elle est à moitié financée, en espérant qu'elle soit financée en entier, je te le souhaite. Est-ce que t'as déjà des idées ? Est-ce que t'as commencé à écrire le second ? Vu que c'est une trilogie. J'ai commencé à écrire les idées. Du second. Toujours pareil, je reprends la même trame, donc je me fais des tableaux avec tout ce que je mets dans les chapitres. D'accord. En sachant que, bien sûr, je connais la fin de tous les tomes, hein, c'est évident. Il faut quand même rédiger au milieu, les détails. Donc, j'ai commencé à y travailler dessus. D'accord. Ouais. Donc, encore une fois, avec quelques signes, on peut espérer le second tome pour... Je me fixe maximum 2 ans. Ah oui, rapidement. Voilà. Parce qu'après trop longtemps, les lecteurs, s'ils aiment, ils vont se lasser. Et ils ne vont pas racheter. Ils vont se dire, oh, il faut relire, voilà quoi. Donc, j'essaie de faire au plus vite maximum 2 ans, par tome. C'est bien. Du coup, sur ton histoire complète, c'est 3 tomes, ça va être lié du coup, ça va être 3 histoires différentes. Alors, ça va être lié, mais le 3e tome va être très différent. Voilà, d'accord. Le 3e tome va être le passé, encore 100 ans avant. Okay. Mais la fin va être la fin finale des 2 tomes, des 2 premiers tomes. D'accord. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est fait exprès. Alors en fait, c'est le 3e tome va éclaircir tous les secrets de l'histoire. Ok, tu vas revenir sur le passé pour éclaircir... Voilà, sur les origines, pour tout éclaircir. Et du coup, pour débloquer la fin de... C'est ça. Pour dévoiler tous les mystères, toutes les intrigues que t'as. Qui... C'est ça. Ok. Bon, on va passer sur une deuxième partie d'interview un peu plus léger, un peu moins sur le tome, mais un peu plus sur toi. La première question, c'est... Quels sont tes premiers souvenirs autour des comics ou des mangas et le reste? Bah oui, parce qu'on est quand même Occitanie Comics, débat comics. Bon, certes, on parle même au manga maintenant, mais bon, on a beaucoup parlé, mais on peut aussi parler de tes premiers souvenirs, de tout ça. Ah, mes premiers souvenirs, ça remonte. Oui, j'étais toute petite, c'est mon frère qui était grand fan de Dragon Ball, enfin bon, truc de garçon, quoi. Et qui m'a fait connaître les mangas. Alors moi, j'étais plus Sakura, Chasseuse de cartes, on va pas se mentir. Regardez. Non, voilà, j'ai de très bons souvenirs et j'ai accroché à ces univers. Hein, mais j'ai beaucoup aimé Dragon Ball, mais j'ai jamais continué. J'ai pas accroché au suivant. Donc, je suis vraiment les tout premiers, en fait, les origines, quoi. L'enfant de Goku est quand même très particulière, j'adore. Personnellement, Apollo méchant et compagnie, avec Tenshinhan, les tournois, les vrais tournois. C'est pas Piccolo, Satan petit cœur. Oui, comme c'était en français. Petit cœur, oui. C'est petit cœur. Moi, c'était en français. J'ai commencé en français, jamais en VO, enfin en VOSTFR. J'avoue, hein, quand on est petit, bon. Oui, petit cœur. Voilà. C'était petit cœur. Et c'était mon préféré. Une fan de Piccolo. Oui. Non, je suis pas tout ça. Attends, oui. Non, moi, ça, tu vois, c'est Vegeta. Mais moi, c'est vrai que dans Dragon Ball, c'est Piccolo plus que. Même dans TBZ. Tu le vois au tout début, mais après, avec le temps, il se fait dépasser. Mais au tout début. Vegeta, c'est le rebelle, c'est tout. C'est comme Sasuke, mais tu kiffes Sasuke. Voilà, tu kiffes juste les rebelles, quoi. Non, moi c'est Gohan Ado. Voilà. Alors, que penses-tu de Gohan lors du tournoi des multi-univers, hein? Arrête. Parle pas de choses qui fâchent. Que penses-tu de Gohan dans DBGT? Oh oui. Je crois que c'est pire. Que penses-tu de DBGT? Il y a eu du bon et du moins bon dans DBGT. Il y a eu du bon dans DBGT. Des bonnes idées. Il y a eu le premier arc qui est pourri, les deux. Au début, c'est long. C'est, Baby Vegeta. Tu te rends compte, en fait, j'ai eu l'impression dans le GT, quand t'as regardé, c'est que genre, tu vois, ils savaient plus se battre, les gens, tu vois. Genre, le pire, c'est goûter les trucs. Ils partent de l'arc au bout, où genre, ils ont tous galéré, ils ont eu des power-ups de partout, ils étaient trop forts, et encore, ils n'y arrivaient pas, et là, ils vont dans l'espace, ils rencontrent des pauvres extraterrestres de merde, ils galèrent comme des oufs, et c'est là, mais oh mec, qu'est-ce que tu fais? Bon, bref, pardon. Donc, ouais, ça, donc Dragon Ball, bon, Sakura, et après, point de vue comics, rien du tout. Si, peut-être les vieux Batman avec ton grand frère? Non, pas du tout. C'est vrai qu'au niveau comics, j'en ai pas eu. J'en ai pas du tout. Après, je suis plutôt film, voilà. Oui. Bon, je connais, mais non. En lecture comics, non. D'accord. Et on arrive en 2020. Quelles sont les impressions pour toi, pour cette future année, que ça soit sorti, ton roman, comics, manga, animé, enfin, tout, voilà. Quelles sont tes impressions, quelles sont tes attentes pour 2020? Ah, mes attentes, c'est l'attaque des Titans, la saison 4. Ah oui, voilà. Ça c'est la saison, on est sur la fin. Là. On est sur la fin, ouais. Donc, il m'attarde, parce que j'ai vraiment accroché. Voilà, je suis très seinen. J'aime pas les shoujo. J'aime bien, parce que bon, Sakura, c'est mon premier, mais... Oh, on y vient. C'est tellement bien, hein? Seinen. Voilà. Bien sûr. Les seinen, c'est pour moi... Jeff. J'en lis énormément, figure-toi. Et j'en vois énormément. Certes, des shoujo, hein, on est bien d'accord. Non. Otaku, c'est un CNN, After the Rain, c'est un CNN. Certes, c'est plutôt dans le style romance ou vie sociale, plus que dans de la dark fantasy ou l'heroic fantasy. Mais tout ça, ce sont des. Oui, c'est vrai. Je lis des CNN. Plus que CNN, c'est pas que dark fantasy. Et pareil, t'as également la voix du tablier. Oh, il est génial celui-là. Je suis désolée, mais j'adore. Mais C'est comique, mais c'est un CNN, ça fait toujours plaisir. Oui, oui. Donc j'en lis énormément, tu vois, certes, de temps en temps je lis des Yuri, de temps en temps je lis des Shoujo, mais j'ai pas honte. Pareil, Bloom Into You est considéré comme, c'est considéré comme un Shonen, Bloom Into You, c'est pas Shonen, autant pour moi, mais tu vois, je varie mes lectures. J'ai bien raison. Ah ouais, je sais que j'ai raison. Il faut varier. Et donc la taille des Titans, et puis, pas d'autres grosses sorties Je sais pas, je te pose comme ça. Non, là, je te fais travailler. Oui, c'est ça. c'est ça. Non, après, non, pas spécialement. Après, il y a beaucoup de mangas qui vont continuer, voilà. Mais non, je pense que pour l'instant, ça t'a dit tout le temps. Après, mon roman qui va sortir 2020, quoi. Non. Une attente pour 2020, Adrien. Oh là là, sur Dot Online, en avril. Ah ouais. Puis ils nous ont encore fait une pause de 4 mois, là. C'est ça. Chier, putain. Non, bref. Non, après, en 2020... On en parle dans ta rubrique, je suppose. Ouais, un anime, bof. Pas trop. Non, il y en a trop qui sortent. Oui. Bah, tout ça, on est tous des trucs qui continuent. T'as le film de Demon Slayer, t'as le film Dr. Stone qui va se rentrer, la guerre qui va se lancer. Fais-moi là, quoi. Mais bon, c'est pas notre interview à nous. Donc, continuons. Continuons, je suis totalement d'accord. Et ben là, on va vraiment arriver sur la toute dernière partie de l'interview, les choix que je vais te poser. Le but du jeu, c'est vraiment où tu réponds au tac au tac, et puis voilà. Et t'inquiète pas, je sais où je vais t'amener au final. Alors, manga, comics? Manga. Shoujo, shonen ou seinen? Seinen. Heroic fantasy, historique ou romance? Heroic fantasy. Berserk, Goblin Slayer, Mouton et Dragon? Berserk. Je vais aller au chien. Sors-moi trois personnages de Berserk comme ça, Adrien, et puis elle finira. De quoi? J'ai pas tout fini. T'as pas tout fini, mais sors-moi trois personnages de Berserk du Golden Age. De Golden Age? Ouais. Bah, t'as Guts, Griffith, t'as Rikun. Mais moi je connais, je suis au tome 3 quoi. T'as Rikun, t'as Casca, Casca, Guts et Griffith. Sur les choix. Sur les choix. C'est Guts, voilà. Oui, sûr. Oui. Ah, voilà, mais voilà, c'était juste une question. L'évolution du personnage est juste démentielle. Oui, ça c'est sûr. J'ai pas fini. Tome 8. Tome 8. Ah oui. Putain, je vais pouvoir le rattraper. Ah oui. J'y vais doucement. T'as pas encore fini le Golden Age, enfin. Ah ouais, c'est ça. T'es au milieu. T'as vu la série ou les films? Non, pas encore. Non, je fais que lire. Tu fais bien, bah tu fais bien. Ouais, parce que moi, toi, j'ai vu les trois films, mais c'est tout Golden Age. Ah, t'es vraiment pas prête. C'est juste énorme. Ah, mais si on part sur ça, moi, je suis désolé, j'avais vu les films avant de lire le manga, justement. Mais quand t'arrives à la fin sur le dernier film et tout, ça part tellement en live, t'entends me dire, mais ça sert à rien de ce que je pensais au final, Berserk. Ah oui, non. C'est tellement. Je pensais pas que c'était aussi dark fantasy. Ah, parce que là, ça part très loin. Ouais. Et encore, après. Mais du coup, la suite de, on va dire, l'après. L'âge d'or. Tome 8. L'âge d'or. Après l'âge d'or, ça part dans un autre. Enfin, dans un autre délire. C'est ça. Mais c'est très très bien. Bon, mais c'est comme ça qu'on finit avec ton interview. Merci d'être venu quand même. Ben c'est quand même sympa d'avoir des personnes qui nous accompagnent autour de nos délires. Bon, ben on va passer sur ce petit focus Star Wars. Enfin, Star Wars, non, ça on a déjà fait un million de fois, Star Trek. J'aimerais pouvoir relire Berserk. Genre, tu vois, sans savoir ce qui se passe, tu vois. Genre, ne pas connaître, tu vois. J'aimerais presque le garder comme ça. Mais. Tu veux la lancer dans le jeu. T'as avoué tes sentiments, non? C'est pas mal. Bon. Je pense que je vais le garder parce que c'est voilà ce qu'on fait quand on coupe et qu'on fait une interlude, on parle de Berserk. Et Berserk, c'est la vie, c'est des sentiments d'Adrien pour Guts parce que enfin, j'avoue. Et le reste, si je devais choisir un héros pour me sauver la mise, je prendrais lui, hein, je te le dis, moi. Oui, non, c'est ça dépend de l'univers, quand même. Mais bon. Le connaissant, je me pense que. Dans l'attaque des titans, il aurait du mal. Je pense pas. T'es pas encore là où j'en suis. Bon alors après cette magnifique interlude que normalement qui n'aurait jamais dû exister. Ça vient du cœur, ça vient du cœur, mais c'est magnifique. C'est pour ça que je laisse. C'est important pour toi d'éprouver tes sentiments, de parler de tes sentiments. C'est pour ça que ça va rester tel quel et voilà. C'est pas un plaisir. Problème. Ouais, je sais. De toute manière, t'as aucun problème d'avouer ton amour pour Berserk. Bien sûr. C'est la vie, c'est le sang. Du coup, c'est à ma partie, donc moi je vais vous parler des sorties. Ah non, on a dit que c'était d'abord Star Trek. Voilà, tu vois, tu m'as lancé. Je voulais faire un petit focus sur Picard. Voilà. Pas que sur Picard, pour revenir un peu sur Nier, parce que bon, sur le premier épisode, on a parlé de World of Warcraft, de manière générale. Sur le deuxième, on a longtemps digressé avec les bus sur Star Wars. Non. Juste une petite heure de perdu de notre vie à parler de Star Wars. Et là, en fin du mois, sur Amazon Prime, sur Prime Video, ils sortent la série Picard, qui est très attendue des fans. Ah ouais. Parce que c'est vraiment une vraie suite de Star Trek. Surtout qu'on reprend en plus une vieille série. On reprend The Next Generation, qui a eu droit à trois films. Quatre. Génération, Premier Contact, Insurrection, Nemesis. Et donc, il y a eu nouveau droit à quatre films. Et après, à partir de 2002, on n'a plus de suite à Star Trek. On a eu la série préquelle Star Trek Enterprise. Ouais. Il y a trois ans, on a eu le droit à Discovery, qui est. Voilà. J'ai toujours pas fini la saison 2, mais bon, elle est là. Je vais essayer de la finir avant Picard quand même. Et on a Picard qui est la première vraie série Star Trek qui revient sur la suite et qui va se passer avant le jeu vidéo Star Trek Online. Parce que la particularité, c'était MMO. C'est un MMO où il n'y a que les Trekkies qui jouent, on va pas se mentir. Je pensais que même le JDG allait en parler sur ses souvenirs de MMO, il n'en a même pas parlé. Je pensais peut-être que lui, il y aurait joué, mais même pas, tu vois. Moi, j'ai joué parce que je suis fan de Star Trek, mais c'est tout. Mais c'est vrai que Star Trek, c'est le premier univers de science-fiction, un des premiers univers de science-fiction créé en 66, un peu moins vieux que Doctor Who, mais beaucoup plus renommé que Doctor Who, parce que bon, Star Trek, c'est sorti aux États-Unis, qui a eu le droit donc à la première série, un dessin animé qui était la suite de la première série, à The Next Generation, à Deep Space Nine, à Voyager, Enterprise, Discovery, Picard. Donc là, on est à la septième série. Il y a eu au total 12 films sur l'univers Star Trek, mais également et un jeu vidéo, qui est un MMORPG avec d'autres jeux vidéo derrière, et également énormément de comics. Et finalement, Star Trek, c'est un des premiers univers cross-média. On utilise beaucoup le terme ces dernières années, le cross-média, mais Star Trek, voilà. Donc c'est un bon exemple. Ouais. On fait un excellent exemple parce que les séries de comics vont avoir une incidence où ça va lier les films ou les épisodes. J'avais trouvé super sympa de justement remettre un peu Star Trek au bout du jour il y a quelques années avec leur nouveau film qui pouvait un peu ramener justement la communauté jeune ou qui connaissait pas Star Trek un peu rentrer dans l'univers en posant de nouvelles bases à rentrer dans l'univers, mais c'est surtout également éviter de se garder cette image de d'homme pyjama qui passe la vie sur un vaisseau. C'est dédicace à Thierry quand il va écouter ça parce que lui il me le dit tout à chaque fois, mais voilà, c'est vrai que Star Trek c'est cette vieille image vieillot qu'il y a ou de la sale science-fiction qui est là juste pour les nerds, même pas les geeks, les nerds, quoi. Faut dire ce qui est. Et c'est vrai que vu que tout est lié, vu que c'est du cross-média, c'est vraiment quelque chose de très sympathique. Et voilà, savoir que le film de 2009 a eu le droit à une préquelle en comics qui partait sur la fin des vieux films, enfin des films de Picard, donc le dernier film de 2002, qui t'a amené vers le film de 2009. Ok. Et voilà, donc. Et les événements du comics, donc qui était la destruction de la planète Romulus, de mémoire, va avoir une incidence sur la série Picard. Ok. Ce qui s'est passé dans le comics, s'est passé dans. Dans la nouvelle série. Dans la nouvelle série Picard. Ok. Et donc, le cross-média comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Picard, enfin, la nouvelle série va arriver grâce à Patrick Stewart. Qui voulait cette famille, enfin cette famille, cette série, il voulait cette série, il voulait revenir. Pour venir. Il est producteur de la série, il a passé du temps, il a convaincu les anciens acteurs de Next Generation de faire un tour sur Picard. Il y aura même une actrice qui était dans la série Voyager qui va participer à Picard. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Enfin, honnêtement, Patrick Stewart, bon, on le connaît dans l'univers des comics dans, en tant que professeur Xavier, mais il a fait d'autres choses, et qu'il soit autant amoureux de Star Trek, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, surtout que également Picard, c'est la série Star Trek qui se passe exactement sur le, entre Nemesis, qui était sorti en 2002, et Picard, il s'est passé 18 ans. Dans Picard, il se passera 18 ans, réellement. Donc ça aussi, je trouve ça assez sympathique. Donc comme ça, ils n'ont pas à rajeunir les acteurs, ouais. Ils n'ont pas à vieillir les acteurs. C'est tel quel, et puis tant mieux. Petit tour de la table. Star Trek, ça t'évoque quoi, Nico? C'est de la merde. Des mecs en pyjama. Qui ont les doigts collés. Et qui... Non, en vrai, Star Trek, justement... vu que t'en parlais par rapport au film, les quelques épisodes que j'avais vus, je trouvais ça mou. En fait, t'as pas trop d'action et compagnie, c'est très calme, très... Ça prend son temps, c'est lent, parce que ça prend son temps. Et les films sont un peu à l'opposé de ça, où il y a beaucoup plus d'action par moment. Après, c'est sur les quelques épisodes que j'avais vus. Mais après, ça, c'est le défaut des vieilles séries. Tu prends... on est inondé de mangas, de comics, mais on est si inondé de séries télé... Tu prends les séries télé à l'époque, comme les premières saisons de Stargate SG-1. C'était génial. C'était génial. T'as pas le droit de critiquer. Non, mais j'adore Stargate. J'adore Stargate. Chut, calme, calme. Mais par contre, il faut que tu avoues, il y a certains épisodes mous où il se passe pas grand-chose. Oui. Et il y a eu une nouvelle dynamique avec des séries telles que 24 heures chrono et d'autres séries comme les Hawaii Five-Zero qui ont été remasterisées comme ça, où on a besoin d'avoir d'action pour maintenir les personnes éveillées et qu'il y ait un certain rythme. Pareil, les épisodes se suivent. Oui, oui. Grâce à Netflix, les House of Cards, les Orange is the New Black, quand les épisodes se suivent et qu'il y a une histoire entière qui se passe sur une série... Voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément... À l'époque, si t'avais deux ou trois épisodes qui suivaient, c'était le feu déjà. C'était le feu, c'était génial. et c'est pour ça que Star Trek a beaucoup mangé, parce que c'est 66, et ouais, 66, on va dire, jusqu'en 96 pour The Next Generation. Et si tu veux, c'était encore des séries écrites à l'ancienne. Mm. Tu prends Discovery, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'action dans Discovery que dans d'autres séries. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un manque de rythme comme ça, c'est lourd. Même moi, le premier épisode de Star Trek The Next Generation, je m'endors à chaque fois. Je ne l'ai jamais vu de ma vie en entier, ce film. Un film, parce que l'épisode faisait 1h20, 1h30. Je ne l'ai jamais vu en entier. À chaque fois, je m'endormais, mais toujours au même moment. C'est juste horrible. Adrien, Star Trek? Star Trek, moi, c'était, je crois, sur les anciennes séries, moi, j'ai commencé. Grâce à toi. Ouais, grâce à moi. C'est toi qui me disais, oh, il faut que tu regardes ça, c'est trop bien. Je fais, bon, ben d'accord, je vais regarder. Et puis, j'ai ma boy, ils sont revenus. Et non, ouais, je crois que j'avais regardé quoi? J'avais regardé peut-être Next Generation, je crois, peut-être la première série. J'ai dû te faire commencer par Deep Space Nine. Et Deep Space Nine, ça, ouais. J'avais regardé surtout ça. Ouais, et après, les nouveaux films, du coup, j'ai accroché direct. Et puis là, maintenant, Picard, franchement, je l'attends bien parce que. L'intrigue a l'air bien, puis comme tu dis, c'est une suite, donc du coup, c'est un avenir. Tu sens qu'il y a un lourd passé, c'est une continuité. Sur en tout cas les bandes annonces qu'on a pu voir, ils te mettent pas non plus, t'es pas obligé d'avoir vu ce qui se passait avant pour comprendre ce qui va se passer, quoi. Tu sens qu'il y a un lourd passé, que du coup, le commandant il est à la retraite, quoi, mais il va se sentir obligé de revenir. Mmh. Et ça va être intéressant. Allez, à part les pyjama boys, est-ce que ça t'évoque autre chose, Star Trek? Eh bien non, enfin, je connais pas plus que ça. Ouais. Je vois ce que c'est. C'est un univers que j'ai jamais tenté de regarder. Je dis pas ça me plaît ou ça me plaît pas, donc je ne sais pas. Voilà, je peux pas critiquer. Je sais que c'est une grande série, donc pourquoi pas tenter, mais après non, j'en sais pas plus. D'accord. Après, l'inverse, Stargate, je connais. Voilà. Ouais. Donc... Rassurez-vous, il va y avoir un focus sur Stargate. Ah ouais, parce que c'est plus Stargate. Parce que attends, faut que je récupère tous les fascicules que j'ai de. Parce que honnêtement, Stargate, c'est. C'était la grande série pendant l'époque. mais SG-1, Atlantis, c'est bon, ça a terminé avec Univers, mais. Bon, je vais pas regarder, franchement. Bah, Univers, j'ai pas énormément de souvenirs. Si tu veux, on en reparlera, enfin, à mon avis, un jour, un focus sur Stargate, mais... Un jour, peut-être. Peut-être en février, j'ai pas de focus pour février, mais peut-être sur février, on parlera de Stargate, mais voilà, non, c'est quand même... C'est quand même un monument de la série, même un film. De la science-fiction. Mais ça part du film. Ça part du film, et il y a même eu un dessin animé, faut pas l'oublier. Ah ouais? Ouais. C'est de la grosse merde. D'accord, je comprends mieux maintenant. Qui passait à notre époque, quand on était jeunes et innocents, sur M6. Ah ouais. Ouais, et c'était même pas avec les Guaoul comme méchants, ils avaient inventé une nouvelle race et compagnie. Voilà. C'était des années après SG1. Ah, monsieur Google est revenu. Et voilà, je pense que Nico va peut-être nous sortir le titre. Mais voilà, c'était pas fabuleux. Stargate Infinity, c'est quoi? C'est quoi ces graphismes? Oh, non mais. Oh là là. C'est pas Stargate ça. Voilà. Oui. On n'est pas, c'est pas du Stargate, on est d'accord. Il y a une forme d'étoile. Stargate, merci. Donc voilà, bon, ça on en parlera plus tard, hein, mais on va essayer de clôturer rapidement sur Star Trek. Donc oui, ouais, on va arriver sur une grosse année, quoi qu'il arrive, parce qu'on va avoir donc Picard, on va avoir saison 3 de Discovery qui devrait arriver. Mm-hmm. L'arrivée d'un dessin animé qui va arriver également. Ah ouais. Level Desk, ça s'appelle. On suivra des jeunes qui sortent de l'académie, okay. qui se formeront sur un vaisseau. Des jeunes bleus. Des jeunes bleus, exactement. Et y a le jeu vidéo qui continue à fonctionner énormément, Star Trek Online, que je conseille pour les trickies, si vous n'y êtes pas allé. C'est un free-to-play. Il n'y a pas besoin d'abonnement. Oui, non, mais non. Voilà. Et possible... Je te rappelle que je me suis mis à Witcher 3. Donc... Ah oui, comme beaucoup de personnes, on va exactement. Dire. Exactement. T'as arrêté de signer ? Il faudra que j'y remette. Il y a 514 qui est arrivé, alors là. Enfin bref. Et puis voilà, grosse année pour Star Trek. Et puis voilà, j'espère que vous serez nombreux à regarder la prochaine série qui vaut le coup d'œil. J'insiste là-dessus. Et on va terminer par notre ami Adrien qui nous fera le tour des nouveautés de janvier et plus, un peu plus pour l'année du coup sur 2020. Sur 2020, ouais, pour les films. Et nous voici sur cette dernière partie d'émission qui est encore plus chaotique que les deux premières, je trouve, parce qu'on a vraiment digressé à droite, à gauche. Mais là, on va terminer sur une note douce, amicale. Des quelques nouveautés à venir, donc pour cette année 2020, plus particulièrement pour le mois de janvier quand même, vu qu'on est en plein dedans. J'ai commencé par les tomes en manga. Du coup, j'ai reçu les gros titres, on va dire. On a Glena qui sort le tome 6 de Dragon de Demon Slayer. Panini, oui, pardon, pas Glena. Glena est compétent. Non, j'ai vu, en fait, derrière toi, il y a écrit Glena et du coup, ça m'a perdu. Il avait le gros Glena. Voilà, Glena est compétent. Ouais, mais d'accord, n'insulte pas Glena. Ils sont très bien, Glena. C'est sur manga ou comics, c'est très bien. Ouais, donc voilà, tome 6 de Demon Slayer. Sorti chez Panini Manga. Panini Manga, exactement. On a le tome 8 de Beastar. C'est super intéressant, Beastar. Moi aussi, j'ai les deux premiers. Ils sont là. C'est pas mal, du coup, comme manga. Ça sort un peu de l'ordinaire. Mais quand on était au Japon, ça avait l'air d'avoir un sacré succès pour être un truc. Ouais, franchement, il y a. Alors, sur les premiers tomes, quand c'est sorti en France, il y a eu beaucoup de pubs de fait sur Beastar. Ça a été vachement insisté. Énormément de pubs parce qu'ils avaient invité le ou la mangaka. À la BD d'Angoulême, il me semble. Elle était là en dédicace. Ouais. Donc, d'où l'énorme de pub qu'il y a eu Beastar. Hein. En plus, du coup, en parallèle, il y a la première saison qui va sortir cette année, en 2020, de Beastar d'ailleurs. Exclusif Netflix. Oui, en plus, sur Netflix. Du coup, après, bon, il y a tome 22 de My Hero Academia qui est pur shonen. ça va être au mois de janvier où il va y avoir, je pense, la fin de la dernière saison de My Hero qui va être... J'ai jamais réussi à trouver l'information. Elle va faire combien cette putain de saison de 15 pense, ou 24 honnêtement, je pense que là, on est... on est déjà à combien là de... On est à 13 ou 14. Attends, je te dis ça de suite. Ouais, je pense que ça va être pas très très long. Parce que je pense qu'ils vont arrêter sur la fin de l'arc là parce que est-ce qu'ils vont faire la fête du lycée pour terminer si sur quelque chose peut-être de plus cool. Je pense qu'ils vont peut-être aller jusqu'à 23 épisodes. Ils vont normalement c'est ça souvent 12 ou 23, ils vont pas couper en plein milieu, ça se fait rarement quand même. Non, mais c'est pour ça, mais à mon avis ils vont faire ça, ils vont faire la fête de l'école et je pense qu'ils vont finir sur la fête de l'école ou peut-être lancer le premier chien arc. En gros, il y a eu plusieurs. Là, on est sur un gros arc et en fait, ce qui se passe dans les bouquins, sans spoil, ils ont fait plusieurs petits arcs en fait sur quelques tomes avant de vraiment partir sur un énorme arc qui va arriver plus tard, que à mon avis, on va pas voir. Et en gros, ouais, voilà, il va y avoir la fête de l'école. Les arcs sans trop spoil, ça va être en fait les nouveaux classements des héros pro, oui. En gros. Oui, ça aussi. Voilà, sans trop spoil. Et voilà. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à là et finir sur ça avant d'arriver sur l'autre prochain gros arc? Ça peut être bien. Normalement. S'ils dépassent ça, honnêtement, j'arrête l'animé pour me concentrer uniquement sur le manga. Je veux vraiment le découvrir d'abord. Sans trop spoil, sans me spoiler. Ça va être vraiment cool en plus le. J'attends d'ailleurs de lire parce que du coup je l'ai pas lu encore, mais l'autre gros arc qui va arriver, ça va être exclusivement sur le côté vilain de My Hero, suivre en fait tout le groupe des vilains et ce qui va se passer autour d'eux. Donc il y en a un qui va être content. Alors, et ça va être ouf, franchement. Je me suis pas trop fait spoil, mais j'ai entendu un peu, je me suis un peu renseigné sans. Ça va être apparemment c'est une grosse envie. Est-ce qu'on pourra en parlant du côté méchant, il y a eu un spin-off My Hero Academia Vigilante. Ouais, il y a Vigilante aussi. Vigilante également. Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir un crossover entre ces trois séries? Non, Vigilante je pense pas parce que du coup Vigilante c'est avant en fait. C'est avant, d'accord. Non, mais en fait c'est le passé. Vigilante en fait c'est en gros quand les pseudo-héros, parce qu'ils sont pas considérés comme héros, il y a pas encore en gros le côté héros pro dans la société, ils vont se dire c'est des gens en fait qui vont en gros se dire on va porter une cape pour essayer de sauver un peu la population, quitte à être reconnu contre un moitié hors la loi, comme justicier quoi. Ouais. Donc c'est une partie intéressante, j'ai pas trop lu, j'ai lu les premiers chapitres, mais y avait d'autres choses à côté. Ouais. Je crois que là, du coup, au mois de janvier, il y a le Vigilante aussi qui est sorti, le dernier tome. Ensuite, il y a Food Wars, tome 33, qui sort. Ouais. Pour les passionnés de manga et de bouffe. Surtout de bouffe. En sachant qu'il y a la saison 4 qui se termine en mois de janvier, et où ils font une pause pour mettre la saison 5. Exactement. Au printemps de cette année. Ça y est, il y a la saison 5 qui va sortir. Exclusivement, je suis sur Crunchyroll. Sur Crunchyroll, ouais. Alors peut-être Crunchyroll ADN, s'il fusionne. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. On en parlera dans notre prochain podcast. Et ensuite, il y a deux nouveaux mangas français qui sortent. Et alors attention, je pense que ça va parler un peu à tout le monde. Non pas les titres, mais qui a édité ces deux nouveaux mangas. Et bien c'est l'édition que Tsume a fait. Tout le monde connaît les Tsume Art qui font des figurines qui sont de haute définition, qui sont juste sublimes. Et en fait, un des créateurs de Tsume en fait, a sorti son propre manga. Donc, il a sorti sa propre maison d'édition, Kuro Tsume. Tu viens pas avec ton crayon. Et du coup, il sort deux mangas différents qui s'appellent Imperius Circus et Ragnafall. Les deux tomes en fait, c'est deux tomes 1 et en fait ce qui est bien, c'est que c'est deux histoires différentes mais du même univers en fait. Ah ouais. Donc c'est pour des premiers tomes sont assez intéressants. Je pense pas que ça va être peut-être très long comme série. En tout cas, rien ne nous le dit sur ces premiers tomes, mais ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est deux mangas différents mais qui sont sur le même univers, on peut attendre du crossover entre les deux mangas quoi. Et puis en plus c'est Frenchy, donc c'est cool. Voilà, c'est ce qui sort au mois de janvier. Et ensuite fin janvier, il y a aussi la réédition enfin deluxe de Shaman King qui ressort. Tome 1 et le tome 17, surtout le tome 17 parce que c'est la vraie fin du manga en fait qu'ils ont refait. Et la nouvelle édition de Shaman King avec ce premier tome est super parce que du coup ils ont refait le mangaka a retravaillé les dessins. Il y a eu un nouvel ancrage, il y a eu une nouvelle traduction du bouquin. Enfin donc du coup c'est du lourd parce que surtout qu'il y a quelques mois de ça ils avaient arrêté la production et l'édition de l'ancienne édition en fait, et donc là c'est une nouvelle édition qui sort sur ces 17 tomes. Donc là, mois de janvier, c'est sur le 17 janvier sort le numéro 1 et le numéro 17. Ouais. Faudra attendre un peu plus tard pour le reste, quoi, mais voilà. Alors, ça, en parlant de Résurrection. Gros coup de cœur, hein, franchement. C'était un de mes premiers mangas, pareil, que j'ai pu voir. Donc voilà. En parlant de Résurrection, on peut également penser qu'on va avoir un tome 13 de Death Note. Ah, j'allais en parler juste après. Excuse-moi, je te vole. Oh là là là là là. Ce qu'ils nous ont sorti, 87 pages. 96, me semble. Non, pas 87. 87 pages de la suite officielle de Death Note. Alors là, c'est juste ouf. C'est attente complète. Alors comment ça va sortir, parce que ça va sortir au Japon. Comment ça va sortir en France, parce que 87 pages, c'est pas beaucoup pour un tome. Alors j'ai peur qu'on puisse pas l'avoir comme ça très facilement en France, mais en tout cas ouais, c'est une grosse sortie japonaise, on va dire, ouais. Sur ce coup là ouais. Et voilà, du coup au niveau manga, en tout cas pour ce mois de janvier à venir. Côté comics, bon, malheureusement, même si on a craché dessus, moi je ne lis que du Marvel, donc je vais parler de par rapport à Panini. Pour ce mois de janvier, ils nous ressortent un peu les classiques, en nous ressortant encore une fois Marvels, parce que je crois que c'est pas la première fois qu'ils ressortent, donc avec encore un nouveau format. Oui, parce que c'est pas une réédition, c'est un nouveau format augmenté, comme à chaque fois. Est-ce qu'il faut dire qu'ils ont augmenté les tarifs encore une fois ? Non, parce que je l'ai déjà fait, mais est-ce que c'est drôle de faire un running gag comme ça ? Oui, c'est pour ça que je le fais. Et après, l'autre sortie qu'ils ont fait, c'est aussi le X-Men Dieu créé, l'homme détruit, qui est alors plus qu'un grand classique, qui est quasiment un des récits à lire des X-Men. Ouais, mais c'était un récit de 96 pages. Par contre, il est tout petit. C'est ça. C'est. Ouais, voilà. C'est 96 pages pour 20€. C'est. Je sais pas si c'est 20€ ou. Vas-y, clique sur le lien. Tu niques-moi tout. Pour 16€. Ouais. Mais c'est les genres de discussions, comme à une époque, on avait eu Batman à la vie, à la mort. Qui pareil faisait 80 pages voire moins je crois, et qui était vendu qui à un moment qui était donné gratuit si on achetait certains tomes, mais sinon qui était vendu à 15 balles aussi. Mais voilà, c'est, mais après c'est un récit qui est plus que culte. Et après ça va, mais 15€, je trouve pas ça trop excessif encore pour 96 pages quand même. Ouais. Ça fait mal au cul, quoi. J'ai pas ce rapport de... Bah 96 pages, ouais. C'est chez eux, c'est un kiosque qui est maintenant à 8,90€. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, voilà. Sinon, parmi les nouveautés, on a Daredevil, l'homme sans peur, qui sort, qui est vraiment bien. Surtout, le gros truc qui sort, c'est Immortal Hulk, tome 3. Immortal Hulk, je pense qu'actuellement, même VO... C'est une des séries avec Venom, je pense qu'à mes yeux, c'est les deux séries phares de Marvel. C'est les deux grosses séries qui marchent tellement que. Enfin voilà, c'est par Ewing et ça marche à fond. Comme ben, de toute façon, Venom, c'est par Kate, c'est les noms qui font vendre. Kate, maintenant, quand on regarde le Thor qu'il a sorti, pareil, ça se vend. Les Gardiens de la Galaxie, c'était une pépite. Et alors, par contre, j'ai un conseil de réserve, parce que c'est Panini et qu'ils m'ont déjà fait le coup de pute. ils sortent le comics Ultimate, donc qui est en fait normalement Ultimate 2. Et si je mets mon droit de réserve, c'est que ce comics, il avait déjà sorti en deux kiosques hors série. Ouais. Et donc là, ils ont ressorti le contenu des deux kiosques hors série. Et je mets la réserve, même si normalement, j'avais vite fait parler avec Panini, ils nous ont dit que la suite devait arriver vers fin 2020, parce qu'ils n'ont jamais sorti la fin du récit, la fin du run. Donc c'est pour ça, normalement, c'est du Ewing d'ailleurs à nouveau, comme Ultimate, comme Immortal Hulk. Donc Ewing, c'est pour moi actuellement un des grands noms de Marvel. Et j'ai lu du coup la suite en VO, c'est à cause de ça que je me suis lancé à la VO. Et c'est vraiment un run qui, pour les fans de Cosmic, c'est-à-dire moi et peut-être de Pecno qui sont perdus en France, est un super récit. Donc là, il y a le premier tome qui sort en 2020, le deuxième tome qui doit être la fin de la série doit sortir. Donc voilà, côté comics, ce que je peux vous dire. Moi, je vais parler. Putain, fait chier, on va encore leur faire de la pub. War of Realms qui arrive en France également. Ouais, mais c'est dans les kiosques. C'est dans les kiosques, ça fait mal au cul, à 8,90€. Je crois que les kiosques sont à 8,90€, non ? Oui, c'est ça. 8,90€. Qui, donc, avec pas mal d'originalité, ils ont sorti le 1, mais également le 1.5. Le 1.5 contient des récits qui gravitent autour, histoire qu'on se fasse bien. Enfin, les taillines, que tu te chopes les taillines à la con. Voilà, des taillines à la con, et donc du coup, tu te fais bien. Pourquoi tu parles de War of the Wim? Tu l'as lu, l'event, ou pas? Non, mais honnêtement, c'est un des derniers events qui me donne envie de lire de chez Marvel. Toi, tu l'as lu? Il est sympa, mais sans plus. Sympa, mais sans plus. C'est sûr que par rapport au dernier event qu'on a vraiment eu, côté VF, qui était l'horrible Infinity War. Ou plus, merde, oui, c'est vrai. Si, ouais, Infinity Wars. Wars, ouais, avec Infinity Countdown juste devant pour préparer le truc, qui était horrible. Et juste avant, on avait eu le droit à Civil War 2. Ouais. Mais il est sympathique, mais moyen. Par contre, ça permet de... C'est la fin, de toute façon, de Jason Aaron sur la licence, vu qu'après, on a Tony Cates qui reprendra Thor. Thor. Et non, par contre, je pense aller... Prochain event qui devrait être intéressant. En VF, si je dis ça, mais on a Spider-Geddon qui est sorti, qui était vraiment, par contre, pour moi, c'est un événement Spider-Man, c'est pas général, c'est mais qui était très bon. Et prochain événement qui, je sais, vu que je l'ai pas encore lu, je sais pas si c'est général ou Spider-Man, ça va être le Absolute Carnage. Et bon, c'est Donny Cates, donc ça sert plus à rien de dire pourquoi j'ai le. Mais qui va être le prochain grand événement, ouais, côté VF. Je sais pas, ouais, c'est général, j'ai mis son. J'ai même pas encore récupéré le TPB, donc je peux pas dire. Mais cool. Donc, ouais, War of the Wim, c'est assez moyen. Donc, de là à se presser et prendre les kiosques, c'est pas non plus. Bon, côté film, on va commencer cette année 2020 par l'incroyable, extraordinaire Bird of Prey et l'histoire fabuleuse d'Harley Quinn. Parce que, bon, c'est vraiment ça, il me semble, le titre. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est qui. Bah, en fait, j'aime bien Margot Robbie, mais après. J'ai eu peur que j'aime bien Margot Robbie. Oui, t'aimes Margot Robbie, mais comment? Non, mais. Franchement, non, l'actrice, franchement, elle joue bien le rôle. Franchement, le rôle, elle le joue bien, je trouve. Même pas le rôle dans tous ses films, Margot Robbie. Oui, dans tous ses films. Moitonia, par exemple. Ah ouais, Moitonia. C'est extraordinairement bon, je l'ai adoré ce film. Une histoire vraie. Elle a vraiment travaillé en plus avec. Sur le patinage avec, et tout pour bien le faire. Si tu l'as pas vu, je te conseille, c'est une biopic. Mais après, ouais, c'est le synopsis, quoi. Est-ce que ça va. Non, mais. Ah, c'est un peu. Non. Même la bande annonce où elle faire le truc un peu. C'est presque rotambolesque quand t'as l'impression que t'es au cirque tellement ils veulent mettre de la scène, des couleurs partout, mais ça donne pas. Ouais. Moi, Bird of Prey sans Bad Girl, j'ai du mal. Il y a un concept que je n'arrive pas à comprendre. Parce que bon, Bird of Prey, c'est quand même l'équipe normalement de Bad Girl. Avant cela, c'était quand elle était Oracle. Il y avait eu une série télé d'ailleurs qui était sortie dans les années 2000, Bird of Prey, où la chef de l'équipe, c'est Oracle qui était l'ancienne Bad Girl. Donc faire un Bird of Prey sans Bad Girl, je comprends pas le concept. Ah non, c'est la chef de l'équipe, bien sûr, c'est Harley Quinn. Comme ça, on la met bien devant la scène. Ça, on va voir toutes ces poufs qui vont se cosplayer en bas. Si tu regardes la bande, non, c'est Harley Quinn. Ça parle que de Harley, c'est ça le pire. Ah oui, c'est sauf la seconde où ils mettent. Et légèrement. Légèrement. Ouais. Voilà. Les pouvoirs de chacune. Et puis voilà, c'est. Ensuite. En avril, il y a Black Widow. Moi, je parlerais bien du coup de Sonic qui va sortir. Ils ont retravaillé. Ils ont retravaillé et c'est franchement, Franchement, je pense que tout le monde a été déçu parce que le premier jet, le Sonic, était tellement mal fait qu'en fait, on n'a pas pu s'accrocher du tout à l'histoire. Et du coup, moi, je dis à voir. Est-ce que à voir. Est-ce tu que... vois, ça risque, tu vois, peut-être. Je me dis le petit pincement au cœur, la nostalgie du personnage. Oui, mais attends, j'ai une vraie question. Un vrai débat. Est-ce que le studio au cinéma ne fait pas de la grossophobie? Parce que Spoutnik, il est quand même vachement maigre. Ouais, oui, mais bon. Tu vois, mais il a des cheveux. Rien que voir Jim Carrey. Ouais. Oh là là. Franchement, je me dis, ça va être drôle. Mais. Après, niveau Disney, avant avril, on a aussi du coup Mulan qui va sortir. Mulan qui est. Ouais. Qui a l'air. Mulan, déjà, c'est un de mes Disney préférés de base. Les films live qu'ils ont sortis en ce moment, je suis pas du tout fan. Ah, si, moi j'ai. Mais je pense que Mulan va être quand même différent. Ouais. Ouais, mais oui, parce que du coup, Mulan, c'est un vrai personnage. Ça va pas être comme, on va dire, entre guillemets, le livre de la jungle, le roi lion qui était beaucoup centré, du coup, sur les animaux. Ouais, c'est vrai. Mais également, la Belle et le Clochard qui est ressortie sur Disney Plus en film également. Ouais, non. Ou t'as Aladdin aussi qui est sorti. Ouais, non. C'est affreux. Franchement, je sais pas, c'était pas. Non, Mulan, franchement, ils ont. Mulan, je le sens bien. Je le sens bien aussi. Donc, en avril, on a le premier film du MCU, Black Widow, avec la dernière, théoriquement, de Scarlett. Oui. Je suis assez mystigé dessus, je sais pas. Ouais, non, c'est pas. Moi, franchement, il. Moi je suis dans la hype. T'es dans la hype. Ouais, enfin, moi je suis T'es dans la hype parce qu'il y a Scarlett. Non. Non, et tu sais qu'ils ont peut-être teasé qu'il y aurait une apparition peut-être de Tony Stark. Alors, pas une apparition, c'était, ça serait peut-être tu l'entendrais en voix off. Ah d'accord, parce que du coup, ok, c'est ça là. Voilà. Mais non, honnêtement, ouais, c'est moi il me hype si, pas parce vraiment, que tu mais vois... si quand même, un peu quand même. Ah ouais, quand même, parce que franchement, c'est une des. Entre guillemets, une des seules qui a pas eu un film solo quoi. Après on va avoir tous au Kyle le pauvre. Non, mais après il va y avoir sa série. Ouais, la série c'est pas c'est pas un film OK, mais bon, c'est une série Disney Plus avec 8 épisodes de 40 à 1 heure tu peux dire quand même ça compense un film de 40 à 1 heure, t'es sûr, parce que The Mandalorian c'était plutôt 20 minutes 30 minutes parfois. Oui, mais ça, mais je pense qu'en moyenne on doit pas être loin des 40 quand même, parce qu'on a eu des épisodes de 45 minutes 30 t'es plus dans les 30 que dans les 40 quand même. Ouais, 30-35 minutes de moyenne, ouais. Mais c'est pas plus mal non plus. Oui, quand oui, même, oui, hein. Bah on a parce tout ce qui fait que... Mandalorian. Oui, Mandalorian, je sais pas si t'as regardé Mandalorian du coup. Non. Ah, franchement, c'est à voir. Et même à quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, ouais, Star Wars, parce que on peut s'y mettre facilement. J'ai vu le dernier film et j'ai pas vu les autres films. Oh merde. Alors, là, c'est compliqué. Oh. C'est compliqué. Mais ouais. Donc, du coup, Black Widow, ouais, si. En plus, sur ses origines et tout, qu'on connaît un peu, mais pas trop non plus, tu vois. On a vite fait entendu parler. Bah, sur, je crois, Age of Ultron, où on a. Je crois où on voyait un peu manière, son passé, tu ses vois. Origines se rapprochent un peu de comme de le film Red Sparrow avec. Oui, c'est ça. C'est la même chose, hein, c'est Red Keefe qui est fait. Mais du coup. Merde, du spoil. Du coup, ouais, je suis bien hype pour ça. Après, on a. Au mois de juin, on a. Wonder Woman. Ouais. Là, par contre, un peu plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on a le Wonder Woman 2 qui sort. Même si le premier m'avait un peu déçu sur la fin, mais qui était quand même vraiment il pas était mal. Bien, il était bien. Le deuxième, alors, moi, j'ai un truc qui m'a choqué dans la bande-annonce de Wonder Woman. Ah, il a l'armure, il voit plus ses fesses, c'est ça? Non, c'est le Spider-Man, là. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Ah, sur les éclairs, elle s'accroche aux éclairs. Ah ouais, là, elle fait quoi, là? Je sais pas, je connais pas trop le personnage. Mais regarde, c'est comme dans le premier film où elle fait, à la fin, c'est un spectacle d'images et de sons, tu vois. Ouais. Mais là, j'étais là, putain, moi, avec son lasso, elle arrive à capturer les éclairs pour se balancer, j'étais là, mais elle nous fait du Spider-Man, quoi. Après, bon, il y a ce truc où je suis là, what the fuck. Après, à voir quand même, parce que j'aime bien le perso, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Ils ont bien réussi pour le premier voilà, film. Voilà, ils ont bien un bon réussi truc, à quand même. Bon film, même si tout n'est pas parfait, mais bon. Enfin, sur la fin, où c'est un peu mitigé sur certains, mais encore que j'aime bien voir, en fait, dans les films d'essai, ce que j'aime bien voir et ce qui est vrai qui est intéressant. Et c'est dommage parce que c'est plus ou moins exploité. C'est vraiment ce rapport de puissance que tu peux plus voir là. Tu vois que c'est des dieux, quoi. Quand ils font un coup de poing, ils explosent la moitié du paysage. Non, alors ça, c'est, c'est typiquement la photographie, la direction que fait Zack Snyder. Ouais, ouais, mais tu le revois quand même dans Wonder Woman. Oui, parce qu'il est producteur de Wonder Woman. Mais c'est bien, moi je trouve qu'il faut qu'il continue dans chose ce truc-là. Chose que tu as moins dans Justice League, si tu remarques bien. Il y a une différence en photographie. Un peu moins dieu, tu vois. Ouais, mais moi j'aime bien moi ce côté, c'est ce qui en fait qui peut différencier un peu avec le MCU, tu vois, qui eux sont vraiment ancrés dans leur stéréotype de film, entre guillemets. Ben ouais, pour DC, tu vois, ils devraient accentuer sur ce truc-là pour essayer de rattraper, on va dire, le grand retard. Le retard, ils sont un peu plantés sur le retard qu'ils ont fait. Ouais, c'est ça. Ils ont voulu aller trop vite sur certains trucs. Mais bon, ils ont voulu annoncer des films qui sortiront jamais de leur vie. Ah, merci. Ouais, c'est ça. Après, on a quoi alors? On a quoi? Eternals. On a les Eternals. On a Top Gun. Top Gun, oui. Ah, on a Top Gun. On a oublié James Bond, mais on peut. Oui, t'as James Bond. Il y a James Bond aussi. Ouais. Bah, il y en a plein après. Ouais. Non, bah, on va pas parler de dans les retours à la Top Gun, t'as aussi du coup Ghostbusters Heritage, qui est annoncé. Franchement, C'est pas le reboot féminin qui est complètement chaud. Alors j'ai rien contre le reboot féminin. Mais il est quand même mauvais. Il est quand même mauvais. C'est la storyline qui est pas ouf. Que là, tu vois, enfin, rien qu'avec la bande annonce, mais j'ai la hype directe. Ah, aussi, oui. Après, ils savent où appuyer, tu vois, mais ce truc de. On n'oublie pas les anciens, tu vois, c'est plus tard, il n'y a plus de monstres et tout, il n'y a plus de fantômes. Oui. Et alors qu'avec le reboot féminin, ils sont crachés sur les anciens. Ouais, c'était un peu spécial. C'était violent, quoi. C'était spécial. Donc ouais, moi j'ai bien la hype pour ce nouveau. Voilà. T'as les origines de Kingsman aussi. Ouais, Kingsman. C'est celui-là, il me tarde. Ça fait partie des sagas qui sont récentes, qui sont ouf, quoi. Ouais. Qui est à la base un comics écrit quand même par Mark Millar. Oui. Et dessiné par le dessinateur de Watchmen. Il me semble deux gros noms. Voilà, ce qui fait quand même deux gros noms. Et qui ont bien dès qu'on te dit Millar, c'est fini. Ah oui, non, bah oui, c'est sûr. Bloodshot, on a oublié. Ouais, mais Bloodshot, alors vous avez vu la bande annonce? Ça me fait peur. J'ai pas adhéré. J'ai du mal avec le design. La bande annonce m'a fait peur, j'ai regardé. Si des acteurs comme Dwayne Johnson, je peux le regarder, il me fait pas peur. Bon, mais après, Vin Diesel, je sais pas, il change pas vraiment dans ses rôles, quoi. C'est toujours la même chose, le grand frère. Tu vas avoir la double sortie simultanée de Matrix 4 non, et non, non, 2021. On a même pas fini 2020, mais 2021. Il me tarde trop, c'est pas alors, ça. Sinon, Jeff, toi qui voulais parler du temps éternel, ce qui me fait souffrir, tu vas réellement en parler? Vas-y, fais-toi du mal, je t'attrape le fouet. Ah ouais, non, moi je le sens pas du tout. Enfin, non, moi déjà. Bah, avec, ah oui, non, mais ils ont changé des personnages spécialement pour les trucs et tout, je le sens pas du tout, je sais pas. À voir après ce que donnera les bananes, c'est le film. Mais... Ce que j'aurais envie de faire quand même, ça va être un gros résumé du film avec toi sur un podcast, histoire de rigoler un bon coup. Ça ah oui, drôle. Je le sortirai en vidéo sans doute aussi, mais y a pas de souci. Non, par contre, truc qui est annoncé en 2020 qui me tarde, c'est Dune. Oh putain, Dune. Ah oui, Dune, c'est un sacré vieil univers. C'est de la sci-fi en plus. Et non, mais le casting. Le casting de Dune, déjà, c'est le prochain gros projet de Jason Momoa qu'on a pu voir donc, dans Stargate Atlantis. Non, dans Alerte à Malibu pour commencer. Stargate Atlantis, on l'a vu dans Game of Thrones, où il a fait une saison, mais une saison qui a marqué tellement de gens. Il a marqué. Excuse-moi, son rôle dans la saison, c'était de décapiter des têtes et niquer une meuf. Donc, c'est un peu le rythme de la vie. C'est ça que tu veux dire de la vie. Et non, c'est vrai que le casting fait que Dune, tout le monde l'attend avec grande impatience. Et puis après, honnêtement, c'est vrai qu'on filme, je sais pas plus. Il y a quelques trucs, mais bon, Fast and Furious, ils nous en sortent chaque année, j'en peux plus à force. Après, on peut parler de film d'animation qui me met en tête. Demon Slayer qui va sortir. Oui, mais alors pas au cinéma, mais oui. Non, pas au cinéma, mais bon, après, c'est quand même un gros film. Animation. Tu vas avoir aussi le dernier film de Psychopass. Je sais pas si vous avez regardé. Non. Ça pourrait te plaire peut-être ça aussi. On en parlait, ouais. Je coupe un film qui va sortir. Ça va passer sur certaines séances en France. Et je crois qu'il y a une séance ou deux séances grand maximum. C'est Violet Evergarden. Oh, oui. J'attendais la suite. Il y a une séance à Toulouse. C'est au Kinépolis de Fenouillé. Ah ouais, je vais noter ça. Oh là là là. C'est tout. Comment ça se finit, c'est trop bien. Voilà. Le film que tout le monde attendait, je me suis dit, il va y avoir peut-être un gros truc, peut-être le voir, si je loupe une fois, je pourrais peut-être le revoir derrière. Non, une séance Kinépolis à Fenouillé. Et c'est pour quand du coup c'est mars ou avril C'est janvier. Janvier. On parle de janvier là. Alors c'est peut-être une avant-première ou autre comme ils avaient fait avec Dragon Ball Super Broly. Ah oui. Mais ils avaient fait l'avant-première sur un jour même. Un jour. 25 janvier. C'est le 25 janvier, je crois, ou autre, que va sortir Violet Evergarden et ça sera au Kinépolis de Fenouillé. Ok. J'ai eu peur qu'il sorte pas, moi, le film, quand même, avec le studio qui a brûlé. Ouais. Je suis contente. Pardon, excuse-moi, mais c'est vrai que moi, j'y pensais pas, mais en plus, la série est juste. Elle est magnifique, ça. Ouais. Et je savais même pas j'avais pas suivi l'info du film. Et on parle. T'as My Hero aussi, du coup, qui va sortir, enfin, qui est sorti déjà au Japon au mois de décembre. Est-ce qu'il sort en France? J'ai pas eu de news là-dessus. Je pense qu'ils vont faire une séance même au cinéma. Je pense que tu pourras même le retrouver sur une grosse. Sur un grand écran. Et alors c'est les gros titres qui me viennent après, parce que bon, on a eu le planning de, des nouveaux mangas qui sortent. Non, non, t'as loupé quelque chose. Lequel? T'as loupé, toi qui es fan de mecha, je suis... Ah oui. Extrêmement déçu de toi, Adrien, mais vraiment, tu me choques. parce que... Ah, t'as Gundam, ouais, qui va sortir. Et on parle de 3 films d'animation autour de Gundam, qui sera une trilogie entière, où la première bande-annonce est sortie, elle montre rien, hein, mais les graphiquement, ça a l'air magnifique. C'est toujours ouf. Et... il tarde de connaître un peu le, l'histoire. Les synopsis et le reste, mais voilà. Fin 2020, au Japon en tout cas, il y aura le premier film Gundam qui va sortir. Le premier film Gundam, je parle pas d'OAV ou autre. Ah oui, oui, je parle vraiment d'un vrai film Gundam en animation. Il doit aussi faire un film live, mais on a toujours plus pas d'infos. Ouais, ça c'est pas. C'est comme Akira. Ouais, mais ça sera sur Double Zero comme ça, je crois. Donc voilà. Oui, un point de vue sorti également, on peut parler peut-être du prochain arc de Super qui se dessine et on en parle de plus en plus. Oui, exactement. J'ai pas vu. Est-ce que ça sera la suite de. Est-ce qu'ils vont Broly prendre. Ou est-ce que ça sera l'arc de Broly? Non, j'espère qu'ils vont pas nous refaire ça quand même. Ah bah si, ils l'ont déjà fait deux fois. Ouais, ils peuvent bien le faire une troisième fois. Non, hein. Non, je pense que ça va être vraiment après Broly parce que. Je crois que c'est dans quoi? Ou. Je crois qu'ils ont fait un OAV ou je crois que c'était sur un jeu vidéo où c'était en fait. Sur la suite de. Il parlait déjà de Dragon Ball. Non, c'était un scan, pardon. Ça y est. Le scan, ils font référence en fait au film Broly qu'ils intègrent en fait dans l'univers canon du bouquin. Ouais. En fait. Mais donc, du coup, est-ce que ça va être la suite de ce qu'on a en scan ou pas? Je sais pas. Je peux pas te dire. Donc, non, ah, bah, c'est bon, on a à peu près fait. Ouais, voilà, sur les grosses news, en tout cas, de ce début d'année. Sur oui, après, tout ça, chaque mois, on sortira les gros titres. Voilà, c'est ça. Et si on a oublié de parler d'une sortie, si tout va bien, le roman de Laura. Hein. Oui, on le répète encore une fois, hein, ça fait partie des sorties 2020, si c'est tout ça, se passe bien. C'est ça. Faut en parler, faut pas hésiter. Et donc voilà. Bon, je pense que pour une première de l'année, ça a été le chaos, du début jusqu'à la fin. Mais c'est les reprises. C'est les reprises, c'est on est perturbé, compagnie. On est encore tout foufou parce qu'on a reçu nos cadeaux il y a pas trop longtemps. Hein. Plein de lectures. Plein de lectures. Et compagnie, donc voilà. On va se retrouver sur un deuxième épisode en janvier où on aura un nouvel invité, un mangaka toulousain. Il nous tarde, on a planifié ça au moment du TGS pour vous dire. Donc ça fait quasiment 2 mois qu'on l'a planifié. Ouais. Et grosse émission manga du coup. Et ça va être une grosse émission plus centrée sur le manga que le comics. Voilà. D'accord, donc ça se. Je viens pas, j'ai compris. Non, mais c'est Nico, en plus, tu nous as dit que maintenant tu t'étais mis au manga, donc ça tombe bien. Allez, on va teaser rapidement. On va essayer d'avoir des infos sur la fusion Crunchyroll Viz Media. On va. Ben oui, je travaille les infos. Je vais surnommer Salam et lui-même. J'ai les numéros de téléphone, je les appelle tout le temps. Je travaille sur le sujet, monsieur. Et on va parler, donc, avec l'interview sur le mangaka, on va parler de manga et peut-être un peu comique quand même, faut pas déconner. Mais non, mais si on fait 100% manga, ça me dérange pas. Ouais. Ben, on verra. Et il y aura Nebu qui va être là pour la prochaine émission, normalement, qui nous rejoint en tant qu'animateur permanent. Oui, d'où le intérimaire. Fait que... Non, pardon. Animateur intérimaire. Intérimaire. Quand Nico peut pas venir, ou quand Adrien, voire même moi, ne peut pas venir, il y aura... on sera toujours 3. Ouais, non, parce que t'as quand même sorti au début de l'émission que Laura était la première vraie invitée. Ce qui, déjà, pour Nebu, est quand même dégueulasse, qui a fait les premières émissions. Non, c'était, bien la que... c'était la première. Non, il a été invité aussi, même par... De 2020. Oui, de 2020. Tu 2020. Tu réécouteras le podcast. D'accord, comme ça, il y en aura plein de vieux. Bon, ben. On va peut-être arrêter là. Ouais, on va arrêter là. Encore une fois, merci d'être venu et d'avoir partagé cette heure de folie. Je crois même qu'on a 2 heures. Deux heures de folie. Et puis voilà, ben, si tu veux revenir, n'hésite pas. C'est quand tu veux. C'était bien sympa. Plaisir. Il n'y a pas de souci. Et ben, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.